t'es trompé. Mais c'est un débat, ça s'appelle, le truc. C'est une relation sexuelle, oui. C'est une relation sexuelle, et bien sûr que c'est trompé. Tu rigoles ou quoi? Ah bah ça dépend. Bah, oui. Il y en a qui considèrent que c'est pas trompé. Ça dépend ce que tu suces. Si tu suces ton pouce, bien sûr, oui. Ah. Mais moi, pour moi, c'est trompé aussi. Bah oui. Sucer le pouce. Ouais. Non, non, mais. Venez m'appeler. Non mais. Ouais, eh, ouais. Jimmy, t'es toujours puceau. Non, non. Non. Enfin, c'est ce que tu dis à tes potes. Attendez juste deux secondes, parce que c'est pas les gueules. Il y a le principal. Deux secondes. Et est-ce que tu peux nous le passer? Oui, bah, c'est direct. Vas-y. Passe-nous ton principal. Ah. Attends, il y a là. Il se fait dessus là. Eh, Jimmy. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense Jimmy, ça aurait été un moment sympathique sur Fun Radio, mais il nous a quitté. T'es là, Jimmy? T'es là. Restez toujours en ligne. C'est quelqu'un d'autre, c'est il a passé le téléphone. C'est un pote. Restez en ligne, Jimmy est dans la merde. C'est ça. Jimmy est en train de se faire défoncer. C'est ça. Parce qu'il est passé sur Fun Radio. celui qui a pris le téléphone, t'es là? Oui, tout à fait, je vous entends. Je suis l'assistant de Jimmy. L'assistant de Jimmy, t'es là ou pas? Ouais, l'assistant de Jimmy, il est là. T'es planqué sous le lit ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Jimmy là? Jimmy en train de. Il se fait défoncer? Qu'est-ce qui se passe alors? Bah on ne le saura pas, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a... Oui, bon, bref. Non, mais alors, bien sûr, la question de l'internat au fil des capotes, parce que c'est un jeu dangereux. Hein. Ça fait une semaine qu'on a lancé le truc, et ça y est, il y en a déjà qui ne passeront pas... La fin de l'année. La fin de l'année, exactement. Merci beaucoup à tout le monde. J'aimerais remercier Armand, surtout il est là notre auditeur du soir, Armand, bien sûr. Oui. T'es là, mon Armand? Mais oui, je suis là, Karel. Ah, Armand, qui, je le rappelle, est riche et cherche... Non, riche de projet. C'est pas parce que je suis suisse que je suis riche. Non, mais t'as raison. Riche de projet. Ok, on a du chocolat, on a des montres, on a pas mal de choses, du fromage, du vrai fromage à raclette. Des comptes en banque. Les Parisiens, de toute façon, vous en parlez pas. Hein, vous mangez pas de fromage, de toute façon, à Paris. Vous mangez du miel, c'est tout. C'est quoi ces a priori? Ah, Armand, on va pas faire le clash France-Suisse, hein, je te le dis direct. Est-ce que tu veux passer un petit message dans toute la France? Profite. Ah ben, je salue toutes les personnes qui m'ont reconnu ce soir sur Fun Radio. Et puis, Karel, quand tu passes, ou le doc, hein, ou Alice, hein, si vous passez par Genève, et ben, vous venez me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Avec grand plaisir. Alors, merci pour l'invitation. Grave, j'espère que tu auras des trucs gratos à nous offrir. Du fromage, du chocolat. Moi, j'offre pas mal de choses aux Français, vous êtes tellement pauvres en plus. Ouais, bravo. Je félicite. Salut. Bravo. Il est content, Doc. Ah ouais, bien sûr. Salut Armand. Salut à toi. Merci beaucoup. On va retrouver les filles. Le Night Show sur Fun Radio. Bonsoir les filles. Salut les filles. Bonsoir. Grande émission ce soir. Oui. Mais comme tous les soirs. Mais évidemment, tu as tout résumé, Karel. Du spectacle. Oh là là, des danseuses du ventre. Ah. Des cracheurs de feu, je crois. Échassiers sont là. Mais oui, des cracheurs tout court. En fait. C'est le grand cirque de la radio qui commence sur Fun Radio. Amusez-vous bien et bon spectacle alors les filles. Merci et bon week-end à vous. Salut, ciao, on se retrouve dimanche soir en direct à 20h. Un jour, les deux inventeurs du Night Show eurent une terrible dispute. Elles séparèrent donc leur vocabulaire en deux styles distincts. Chez Frange Brune, on dit... Ils ont déjà vécu ça, alors pas forcément avec un musicien tatoué. Oui, j'ai dit tatoué. Chez Frange Blonde, on dit... Attends, mais c'est la frère ou de qui? La sœur. La Frange Brune respecte les auditeurs. J'ai une petite anecdote vous concernant. Oh putain, ça va être long cette histoire. La Frange Blonde, elle, bafouille au lancement du disque. Puis Amir, qui sera notre invité d'ailleurs mercredi soir. Ah, excuse-moi, tu vas mettre les mots dans l'ordre ou pas? Aujourd'hui, elle ne partage plus rien, sauf un homme sourcil et une émission. Goûtez les deux et faites votre choix dans... The Night Show. The Night Show. C'est du dimanche au jeudi, 22h minuit, sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Fun Radio. On est en forme ce soir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi. On va passer une soirée de kiff, il est 22h02 et c'est Marion et Anso, le Night Show. Ça va l'équipe? Oh là là. Ok, les ambianceurs. Ça va, Anso? Hyper bien, ouais. Trop très en forme. Bonne journée, bon pied, bon oeil. Ouais, c'est ce que... Non, dégage pour ça. Et surtout, ça n'a aucun sens, hein. Ça ne veut rien dire dans bon cette phrase. Bon pied, bon oeil. Mais ça, c'est vraiment une expression ringarde. Ouais, mais en plus, je trouve que tu faisais vachement d'efforts là-dessus. Oui, mais je crois que ça manque à la France. Je crois que la France se disait, mais où est ce petit bout de femme comme ça, qui est tantôt normal et tantôt à l'ancienne. En tout cas, la France peut retrouver tes prestations sur YouTube, puisque nous avons mis, ça y est, la vidéo de l'élixir de l'amour, puisque nous avons essayé de te désenvoûter pour que tu trouves un mec. Ouais. Allez voir sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Franchement, l'élixir est tellement canon. J'ai envie d'en reboire. C'est vrai que c'est assez joli, c'était assez bon. Et vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages sur Twitter, sur Facebook. J'essaie de répondre à tout le monde pour savoir si j'ai enfin trouvé l'amour. Eh bien, c'est un non. Voilà. Voilà. Mais ça va venir. Oui, ça va. Il paraît qu'il faut attendre une semaine. On va attendre une semaine. Tu sais ce qu'on dit, il paraît que ça tombe quand on s'y attend le moins. Ah, bah oui, mais ça fait quand même un peu 2 ans là, que je m'y attends pas. Ça serait cool que ça arrive, quoi. Bon, ce soir, en tout cas, dans l'émission, déjà, c'est le grand retour de l'instant bitchy. Ah, oui. Ah ouais, ça, c'est vraiment cool. Merci Enzo du standard. On va bitcher tous ensemble parce que ça fait du bien. Ça peut être sur n'importe quoi. Je sais pas, sur la télé, sur un événement qui s'est passé, sur une star, ce que vous voulez. On n'est jamais méchant, mais c'est vrai qu'on aime bien bitcher avec Marion. Oui. Et puis on vous a trouvé aussi avec Marion les traditions sexuelles les plus ouf du monde. Je vous le dis, mais vous allez halluciner comme nous. Restez là, on en parlera ensemble tout à l'heure. Et pour nous appeler 01 42 48 5000, le numéro est totalement gratos. Oui, il y a des traditions qui sont un peu choquantes. Moi-même, j'ai eu du mal à m'en remettre. Ouais, moi aussi, j'avoue. Pour le son, on va se faire Sia ce soir et c'est bon ça. Une copine à frange. Ouais. On aura aussi Lost Frequencies. J'adore Lost Frequencies. Ah, moi aussi. Hein. Alors, c'est complètement smooth. Ah, bah, c'est ça. C'est exactement ça. Je vous explique, si vous n'étiez pas là hier, on s'est découvert un nouveau mot préféré avec Marion. Dès que c'est sympa, dès que c'est gentil, c'est smooth, quoi. Exactement. Tu vois, par exemple, Amir des réseaux sociaux, il est comment? Il est smooth, quoi. Bonsoir, Amir. Eh ben, j'ai passé une journée vraiment smooth, moi. C'est vrai. Oh, c'était ouf. Écoutez, les filles, ça va super, mais j'ai appris un truc aujourd'hui. Quoi? Alors, dans l'équipe, là, on vient de poster en plus un boomerang. On est très très nombreux. Oui, je te confirme, oui. C'est vrai qu'on est vraiment beaucoup, c'est hyper cool parce qu'il y a une putain d'ambiance. Mais il y a une personne dans cette équipe qui s'appelle Alex. On n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est le graphiste de l'émission, c'est un peu le directeur artistique. Ouais. Et du coup, vous savez ce qu'il fait en ce moment ou pas? Non. Eh bien, il vous unfollow et il vous follow tous les jours. Pourquoi? Que vous voyez sur Twitter et que vous, de votre tour, vous puissiez. Oh, bébé! Mais je t'ai follow, moi! Alex. Attends, je t'ai pas follow! Si, Marion m'a follow, mais pas Anso. Oh, la méchante! Oh, la terre bas! Qui ne t'a pas follow, Alex? Il y a Béric, il y a Pablo. Mais attends, tous les stagiaires, même les stagiaires t'ont pas follow. Mais attends, mec, excuse-moi, mais pourquoi tu ne nous demandes pas tout simplement? Non, je sais pas, comme ça. Oh, bébé chat! Il est trop mignon. Bon, bah, ça y est, effectivement, tu me suis, je ne te suis pas. Ça y est, Alex. Et nous followons mutuellement sur Twitter. Il l'a fait au moins 5 fois. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire tourner le Twitter d'Alex. La France va te suivre, Alex. Ouais, voilà. Tout le monde suit Alex aujourd'hui. On va te donner des copains. Suivez-le sur Twitter, on vous fait tourner ça. C'est quoi? C'est quoi son Twitter? Bah, tu le mets, c'est Alex Motreff, c'est ça? Alex Motreff, ouais. M-O-T-R-E-F-F. Voilà. Ouais. Bon, Amir, sinon, tu es présent sur tous les réseaux, comme d'hab? Oui, je suis présent sur tous les réseaux, les filles, mais surtout, je voulais vous parler d'une application très rapidement. C'est une fille, une américaine, qui a inventé une appli pour ne plus manger seule le midi. C'est Anso qui m'a envoyé ça tout à l'heure. Oui. Et je trouve que le principe est hyper cool. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la nana, elle en a eu marre. Elle était devenue un peu la tête de turc sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, elle a créé cette appli pour que les autres qui sont seuls dans le lycée viennent manger avec elle à la cantine. Mais ça marche comment du coup? C'est je cherche des amis et ils viennent? Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, tu dis à l'heure à laquelle t'es disponible pour déjeuner parce que les cours sont différents. Ouais. Et elle dit, on se rejoint à telle table. Donc, ceux qui veulent, venez et invitez vos potes. C'est hyper cool. Du coup, elle déjeune plus jamais seule à la cantine et je trouve ça hyper chouette. Ah, oh, bah grave. Belle initiative. Ça s'appelle comment? Bah, en fait, c'est encore américain. Ouais. D'accord. Mais ça va arriver en France, et dès que ça arrive en France, promis, je crois que c'est très local, hein. C'est uniquement dans son lycée. Si ça se développe, on vous en parlera. Bonsoir Thibaut Alaria. Bonsoir les filles. Il va bien? Ouais, ça va. Enfin, normalement, tous les soirs avant l'émission, je mange un petit cookie aux pépites de chocolat. Moi, ce soir, je n'ai pas mangé, mais c'est pas très grave parce que c'est vous, mes petites pépites. Il est bête. J'adore. On est marre. Mais ça, c'est toi qui les écris, on est d'accord? J'écris pas, je vous parle de ma journée, c'est tout. Ça vient de ton cœur. Ouais, c'est ça. Et bah, c'est bien fait. Bravo. Il est romantique. Bonsoir Enzo du Standard. Salut les filles, bonsoir la France. Ça va? Ouais, super, et vous? Bah ouais, qu'est-ce qu'il raconte de beau celui-là? Bah rien, ce matin j'ai mis mes petites lunettes de soleil, après j'ai mis mes lunettes de vue. Voilà. D'accord. Voilà. Bah mec, présente-nous le premier auditeur de cette soirée, je pense que c'est mieux. Ouais. Alors le premier auditeur de ce soir, c'est une personne que j'adore, il s'appelle Mathieu, il a 18 ans, il habite à Maubeuge, excusez-moi. Et il aimerait avoir des conseils pour aller... Quelque part. Mais d'accord. En fait, je n'arrive pas trop à relire Yannick. Voilà. D'accord. Bonsoir Mathieu. Salut, comment ça va? Ça va Lanso? Ça va Marion? Oui, ça va et toi? Ça va, impeccable. Alors, qu'est-ce qui se passe Mathieu? Pourquoi tu veux des conseils? Bah en fait, voilà, samedi, j'avais prévu en fait avec des copains d'aller à Amsterdam. D'accord. Donc, le problème, c'est que ma copine, donc faut savoir que c'est tout récent, n'est pas pour, mais vraiment pas du tout en fait. En gros, elle veut vraiment pas que j'y aille, elle me fait la gueule, tout ça, elle me parle plus. Ah, donc il te faut des arguments pour la convaincre? En quelque sorte, et des conseils aussi. Bon, alors, un argument chacun, Anso. Promets-lui de l'appeler toutes les heures. Moi, je dirais, dis-lui qu'elle pourra avoir ses copines tout le week-end et que tu lui ramèneras un beau cadeau. Ah ouais, c'est bien le cadeau. Les garçons, un argument? Amir, des réseaux sociaux, un argument? Moi, je suis nul pour ça, vraiment. Ok, Thibaut Larrea? Je sais pas, non, il faut la convaincre, il faut trouver un truc qui peut pas jouer contre toi. D'accord, vous êtes nuls, effectivement, les garçons. Le standard. Lui acheter un iPhone 7 pour qu'elle te laisse partir? Bah non, il a pas les moyens. Ouais. Une lettre d'amour. Ouais, c'est un peu compliqué. Une lettre. Une demande en amour. Ouais, une lettre. Une belle preuve une d'amour. Une lettre d'amour. Une belle preuve d'amour, c'est pas mal ça, Mathieu. Hein. En mode autorisation, ça passe. Ouais. Ouais, je pense que je sais ça. Ouais, mais bon, c'est après, puisqu'elle est vraiment contre, hein, c'est, elle me fait la tête et tout. Mathieu, tu pars à Amsterdam, en plus, tu choisis vraiment la ville qui est cliché quand tu pars avec des potes, quoi. Oui, Yannick. Il peut lui faire plein de snaps. Ah ouais, pour la tenir au courant, tu snaps toutes les heures. Ah ouais, c'est vrai. Ça devient un peu chiant. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu la rassures. Voilà, il faut vraiment que tu la rassures. Trouve les mots, fais-lui un petit cadeau, fais-lui une lettre, dis-lui que tu l'aimes, que tu vas penser à elle tout le week-end, et tu lui dis voilà, ce sera à charge de revanche, tu pourras partir avec tes copines aussi, et normalement, ça devrait passer. Ouais, je vais essayer de faire ça, je vais essayer. Et le cadeau, c'est très bien. Tu lui ramènes un beau cadeau de là-bas, Marion a raison, c'est très bien ça, Mathieu. Mais en plus, sinon, elle aime bien comme vie, elle trouve ça romantique et tout. Et ben voilà. Voilà, j'essaie de faire ça. Carte postale. Voilà, elle y va pas, de toute façon elle est dans le fion. Bon Mathieu, tu nous tiens au courant, d'accord? Ça marche, impeccable. On t'embrasse, éclate-toi bien avec les potos. Allez, salut, merci. Bisous. Bon, bonne soirée. Dans un instant sur Fun Radio, nous allons avoir Yaltaz qui a vraiment besoin de conseils pour pécho des nanas. Il a une petite particularité physique en plus. Oui. Donc ne bougez pas, on en parle avec lui juste après Jonas Blue sur Fun Radio. I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Me feeling this way. There's so much we can't explain. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe we'll stay together. Maybe we'll Show, c'est nous tous les soirs du dimanche au jeudi. Allez mater le boomerang qu'on vous a mis sur les réseaux sociaux. Il n'a aucun sens. Non mais hein, moi c'est vraiment un truc que je maîtrise pas du tout, le mouvement. Mais c'est vrai que t'as pas d'idée de mouvement toi, ah à chaque non, mais fois. Je panique totale. Tu sais quoi, t'en feras un toute seule tout à l'heure. Oh voilà. Non. Oh si, c'est ton devoir du soir. D'accord. Un boomerang stylé, d'accord. Ok. Bon, en attendant, on accueille. Alors, j'ai du mal avec ce prénom. Comment ça se prononce? Yaltaz. Yaltaz, c'est joli. C'est comme ça, hein, Yaltaz. Bonsoir. Ouais. Ouais. Bonjour Marion. Bonjour Anto. Oui, c'est comme ça. Salut Yal. D'accord. C'est breton. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, comment ça va, Bichon? Bah, très très bien. T'as 12 ans, toi. Ouais, c'est ça. Et alors, il paraît que tu veux des conseils pour pécho des filles. Ouais, un peu, ouais. Bah, parce que, enfin, je sais déjà, comment dire, des fois, rester soi-même, tout ça, mais un peu alors, autre chose, quoi, on va dire. Yaltaz, j'en parlais il y a quelques instants, je disais que t'avais une petite particularité physique. C'est quoi, ouais, en fait? Bah, j'ai la bouche de travers, je suis née comme ça. Ah, d'accord. D'accord, en fait, t'as la bouche qui part d'un côté, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un endroit qui part d'un côté, qui, en fait, qui est relâché d'un côté, quoi. D'accord, et ça, tu penses que ça bloque les filles? Bah ouais, certaines, ouais, enfin, je veux dire, comment dire, pas les plus moches, hein, les moins attirantes, on va dire, ça les bloque moins, mais non, du coup, celles que je préfère un peu, ouais, quoi, les moins attirantes, bah. Mais alors, du coup, est-ce que t'as peur que ça t'empêche d'embrasser cette particularité ou non, ça change rien? Non, parce que j'en ai déjà eu des copines, mais du coup, non, il n'y a pas de problème, mais bon, après, dans les copines, c'était plus pendant les vacances, quoi. D'accord. C'est là qu'on est un peu plus décontracté, on va dire, quoi. Comment ça s'appelle Bah, ce relâchement, en fait, c'est quoi? C'est une paralysie faciale. Ah, d'accord. Okay, de naissance. Ouais, c'est ça. Okay. Bon, bah, Bichon, tu sais ce qu'on va faire? On va demander déjà des conseils aux auditeurs qui nous écoutent pour que tu puisses pécho. Cela dit, je trouve que t'as déjà, je sais pas, t'as l'air sympa, t'as la tchatche et tout. Je pense que ça va pas être compliqué avec toi. En même temps, en plus, c'est cool, Yaltaz, parce qu'on reçoit beaucoup de messages d'auditeurs qui veulent savoir, avoir des conseils pour pécho. Donc, comme ça, hop, on fait d'une pierre deux coups. Je veux dire, un grand rassemblement du péchotage. Exactement. Appelez-nous là. 01 42 48 5000. On donne des conseils. Je veux que Yaltaz, il chope cette semaine. Voilà. Moi aussi, ce soir. Ouais. Voilà. Appelez-nous, on fait de la radio ensemble et je vous ai préparé un petit jeu encore. Oui, je bosse. Oui, moi. Allez, reviens. Diplo. DJ Snake. Skrillex et les Major Lazer. On fait appel à lui pour leur tube. En septembre, Fun Radio vous envoie au concert de Justin Bieber à Paris. Dès que vous entendez de double fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. Justin Bieber! À l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est le double fun sur Fun Radio. Right here on Fun Radio. Le son dance floor. 3228. Service payant. 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Hier soir, j'ai rencontré Alice à une soirée karaoké mythique. Elle chante super bien. En deux notes, elle enflamme toute la salle, Alice. Mais moi, c'est Laurie qui me fait craquer. Elle chante complètement faux, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'une des nombreuses soirées mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Eh ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Moi, valeureux candidat. Moi, trouver job grâce à méthode ancestrale. Moi, faire signaux de fumée pour envoyer un CV. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job en mode Apache. T'es sérieux, là? Bah oui. Mais sors de ton Tipeee. Faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Ah bah, je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. 22h minuit. Marion et Anne-Sophie, le Night Show. Sur Fun Radio. On attend vos conseils là au standard 01 42 48 5000 et aussi avec le hashtag Le Night Show pour Yaltaz. Yaltaz, il a 12 ans, il habite la Bretagne, il a un souci, là, enfin c'est pas vraiment un souci, c'est une particularité physique. Il a sa bouche un peu de travers, du coup, il a pas énormément confiance en lui pour pécho des filles. Voilà. Ouais. Alors, Yaltaz, t'écoutes souvent l'émission ? Ah oui, ouais, bah, presque tous les soirs, une semaine sur deux, quoi. D'accord. Bon, eh ben, écoute, comme on est dans une semaine perte, ça t'es très bien. Yaltaz, nous, avec Marion, on dit souvent qu'il y a une technique imparable, c'est l'humour. Hein. Moi, ouais, j'arrive à faire rire les filles et tout, mais du coup, c'est vraiment, je pense, ma bouche, des fois, qu'il est... Je suis sûre, des fois, elles voudraient bien sortir avec moi et tout, mais c'est juste que elles ont peur des autres, de ce qu'on va dire les autres, quoi. Tu sais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, Yaltaz ? Quand on a une particularité physique, il faut toujours en jouer, l'assumer et la mettre en avant. Ouais. Si toi, tu en rigoles et tu dis, voilà, t'essaies de trouver des trucs, voilà, t'es unique, tu vois ce que je veux dire ? Il faut vraiment que ce soit pas tabou, il faut pas que t'en aies honte ou que tu perdes confiance. Plus tu mettras ça en avant, plus les filles, eh ben, ça les détendra et elles verront même plus après, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que t'en fasses que tu le mettes vraiment en avant, que t'en fasses une qualité, une force, en fait. Il faut que t'en rigoles, tu vois ? En plus, ça m'a un peu aidé à m'intégrer et tout ça, parce que du coup, j'étais un peu habituée, des fois, à moquer et tout. Mais voilà, quoi, mais sinon... Puis après, il y a des fois où je m'énerve aussi, parce qu'il y en a qui se moquent de moi, mais du coup, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, je comprends, Bichon, mais tu sais. C'est ça, depuis CP, des fois, certains depuis CP. Mais attends, mais Yalta, c'est normal aussi, t'as 12 ans, et tu verras que plus tu vas grandir et plus tu vas évoluer en classe, plus ça va s'estomper, ça. Hein. On est tous passés par là. Vraiment, les moqueries, on connaît dans cette équipe, crois-nous. Bon, Bichon, on va faire un petit tour de table pour toi. Continuez à nous appeler, là, 01 42 48 5000. Je crois que c'est Thibaut Alaria qui avait un bon conseil pour draguer. Ouais, en fait, c'est mon grand-père qui m'avait appris ça. Genre, c'est une technique. Tu reviens sur une phrase, que la nana l'a dit il y a moins de 5 minutes. Comme ça, ça montre, que tu l'écoutes, ça montre que tu t'intéresses à elle et tout. Elle va kiffer. Ah ouais. C'est vrai. Mais du coup, ça marche ou pas ? Maintenant, non, puisqu'il a Alzheimer, donc il se souvient plus de ce qu'il a dit à 5 minutes. Ton papy. Non, mais c'est vrai que sinon, c'est une bonne technique. Il faut vraiment montrer aux filles que tu les écoutes. Ouais. Et ça, c'est assez rare. Quand vous êtes jeunes, vous les garçons, vous êtes un peu centrés sur vous-même, c'est vrai. Ouais. Et parfois, vous voulez aller très droit au but, tout ça. Alors que si vous écoutez vraiment une fille et que vous lui montrez, ça marche en général. Ouais, ça, c'est vrai. Vraiment, ça peut faire un petit côté si je répète toutes les phrases qu'elle dit. Non, mais il y a pas tout, évidemment. Parce que, évidemment. Il y a Enzo du Standard qui avait une technique aussi. C'est quoi, Bichon ? Ouais, moi, ce serait de lui chanter une chanson avec une guitare. D'accord, ça marche pour toi ? Tu l'as déjà fait ? Ouais, j'ai déjà fait. Allô ? Mais il est là, il est là. Hein. Ah, ouais, j'ai déjà fait, c'était Francky Vincent. Ouais, bah tu veux mon zizi ? Ça marche pas, ça, mec. Si, ça marche. Ouais, mais alors, cela dit, pas Francky Vincent, mais la technique est bonne. Yaltaz, est-ce que tu joues de la guitare ? Ça m'est arrivé, mais du coup, j'ai un peu perdu. Non, il faut. Oui, mais Marion, tu joues pas de la guitare, tu sens pas une guitare comme ça dans la cour de récré, genre en mode. Non, mais... aussi. Ouais. D'accord, mais déjà, si tu dis aux filles que tu joues de la guitare, ça leur plaît. Ouais, c'est vrai. Voilà. Parce qu'on est petite sœur, quoi, un peu. Et ben voilà, et ben déjà, tu peux mettre ça en avant. Ouais. Bon, Yaltaz, il y a de la réaction pour toi au standard. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Il y a Arthur qui nous a appelé. Bonsoir à toi, Arthur. Bonsoir, est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Alors, Arthur, dis-nous tout. Moi, j'avais deux petits conseils à donner à Yaltaz. Déjà, faut vraiment qu'il prenne son temps. Je veux dire, il a 12 ans. les meufs, ça va venir, quoi. J'étais un peu dans son cas quand j'avais 12 ans. Mais j'arrivais pas trop à serrer. C'est un peu relou, mais tu vas voir, ça va venir tout seul. Et même si t'as un petit souci... Franchement, s'il y a une meuf qui t'apprécie vraiment, elle va passer au-dessus, tu vois. T'as tellement raison, mon pote. Surtout en grandissant, nous, les défauts physiques, sincèrement, soit ça donne du charme, soit on passe au-dessus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, ouais. Toi, t'as moi, ils disent que c'est stylé en même temps, donc. Bah oui, c'est stylé. Donc, il a raison, il faut que tu l'écoutes. T'as le temps, t'as 12 ans, c'est pas grave si ça marche pas tout de suite avec les filles. Franchement, t'es pas en retard. Ouais. Franchement, et t'as déjà embrassé une meuf, toi, en plus, à 12 ans. Ouais. Et moi, à 12 ans, j'avais pas embrassé quelqu'un. Moi non plus. Hein. Mais moi c'était en CE2. Eh c'est bien précoce. Disons, Yalta, j'ai l'impression que ça y va. T'as pas trop besoin de nous quand même, hein. Merci, mais c'était une fois, quoi. Arthur, merci de nous avoir appelé. On t'embrasse. Ouais, bisous. Bisous, bisous. Ouais. On a Lucie aussi à Fréjus qui est avec nous. Bonsoir Lucie. Bonsoir les filles. Bonsoir tout le monde. Salut Yalta. Ça va Lucie? Oui, très bien, et vous? Alors toi, c'est cool parce que t'es une nana. Du coup, tu vas rassurer Yaltaz. Qu'est-ce qu'il peut faire pour séduire les meufs ? Déjà, avant de lui donner un conseil, je voulais lui dire que franchement, un peu comme t'as dit Marion, c'est que je trouve que franchement, il a l'air vraiment mignon, quoi. Déjà, rien que, voilà, au téléphone, par rapport à sa démarche de vous appeler, il écoute Fun Radio, donc forcément, c'est un mec bien. Certes. Et après, sinon, au niveau conseil, Yaltaz, moi, je te proposerais de faire un compliment avec la fille avec laquelle, enfin, qui te plaît ou avec qui tu sortiras sur, par exemple, sur son physique, sur son sourire, ses yeux, voilà, quelque chose, voilà, qui lui fera plaisir, ou alors sur ses fringues. Et voilà, en tant que meuf, je t'assure que ça marche à tous les coups. C'est vrai que être flatteur comme ça, c'est bien, ça marche. Ouais, c'est pas bête. Mais du coup, Yaltaz, t'as une target en ce moment? Il y a une nana qui te fait plus kiffer que d'autres? Ouais, il y en a une qui est pas mal que j'aime bien. Comment elle s'appelle? Elle est marrante en plus. Elle s'appelle Emma. Eh ben Emma, il faut absolument que tu ailles la complimenter. Ouais. Il faut que tu la fasses rire et que tu lui fasses des compliments. Et dis-lui, tu la trouves drôle, dis-lui hein, qu'elle est drôle et tout. Ouais. Bon, eh ben Lucie, merci, très bon conseil. Eh ben de rien, et puis bah Yaltaz, bonne chance et puis ça va venir, t'inquiète pas. On t'embrasse Lucie. Bisous. Bisous ma belle. Bisous. L'équipe, on va se faire un petit jeu sur les particularités physiques. Ah, ouais. Je vais vous en donner, vous allez me dire si ça vous dérange ou pas, si vous pourriez quand même sortir avec la personne. Okay. D'accord, ok. Déjà, la bouche comme Yaltaz, non, ça vous dérange pas. Pas du tout. Moi non plus. Les ongles, sales ou rongés? Jamais. Ben. Non. Comment ça, jamais? Tu peux pas? Non. Ah bon, quelqu'un qui se ronge les ongles? Ah, qui se ronge, je m'en fous. Ah, mais oui. Ongles sales, noirs en dessous, là. Ouais, mais attends, et Marion, tu tombes sur un mécanicien, c'est son métier, le pauvre. Ah, c'est facile à enlever du cambouis. Bien sûr, mais non, mais là, ça se comprend. Mais nous, en tout cas, en tant que mec, une meuf avec du noir sous les ongles, en plus, une meuf, c'est. Moi, ça me dérange pas. Et en entretien, par exemple, il y a plein de gens qui matent ça aussi. Ok. Ouais. Les ongles. Les pieds, genre les pieds moches. Ça vous dérange ou pas? Oui, mais enfin bon, tu vois rarement les pieds d'une personne la première fois que tu la rencontres. C'est pas faux. Ouais, si, l'été en tongs. Le maquillage, s'il y en a trop. Ouais, c'est mort. C'est dur, ça. C'est mort. Moi, au contraire, je kiffe. Genre, quand il y a beaucoup de maquillage un peu superficiel, j'adore. Non, c'est une vanne. Non, mais franchement, j'aime bien. Ah bon? Ouais. Les pots de peinture, quoi. Bah ouais, ça me plaît. Ça te fait kiffer? Ouais, genre, j'aime bien. Genre, je sortirais pas avec une fille comme ça, mais. T'as les gars, j'ai très peur. Hein. J'ai jamais vu sa meuf, mais. Mais elle a pas besoin de maquillage, elle est magnifique. Oh, il est mignon. Un strabisme. Soyez franc, hein. On n'est pas là pour faire de la langue de bois. Et ben moi, je vais vous dire, je kiffe. Un strabisme. Non, alors je peux comprendre parce que je connais. J'ai beaucoup d'amis qui trouvent que le strabisme donne un charme fou. Ah mais moi, je sais pas où regarder. Je suis désolée. Bah moi, j'ai pas d'avis. Moi, ça me dérange pas. J'ai déjà vu des garçons charmants avec strabisme et pas charmants avec strabisme. Donc pas d'avis. Moi, j'ai vu les filles avec un strabisme. Je trouve ça mais tellement sexy. Bon, bah, mec, calme-toi quand même. Hein. un bec de lièvre. Ah, moi, je suis sortie avec un garçon qui avait un bec de lièvre quand j'étais en troisième. Vrai ou faux, ça? Mais oui, c'est vrai. Ah bon? Mais oui, c'est vrai. Et alors, il était mignon quand même et tout? Bah oui, il était mignon et je l'ai embrassé. Bah, comme quoi, ça dérange pas. Ouais. Ok. Un gros nez. On s'en fout, ça. Ouais, non. Bah, moi, j'ai un peu un problème avec les nez. Hein. Moi, le nez est important. Oh, moi, ça me dérange pas. Des boutons d'acné. Ah, je m'en fous. Ça dépend de l'âge. Non, mais quand t'es au bahut, tu t'en fous. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a 30 piges des boutons, ça dépend en fait. Ouais, mais à 30 piges, c'est rarement non plus un truc de ouf. Oui, Enzo. Moi, j'avais embrassé une meuf sur la bouche qui avait plein de petits boutons à côté. C'était horrible. J'avais l'impression d'embrasser des cratères. Arrête, la peau. Ça m'a dégoûté. À la peau. Mais après, je peux comprendre. Il y a des choses comme ça qui nous dégoûtent. C'est hyper personnel, mais c'est des passades. Oui. Ils y peuvent rien, ces pauvres gens, tu vois. C'est peut-être des gens très bien, la pauvre. Bah, c'est des gens très bien. Bah oui. Ah, oui. C'est peut-être. On est quand même. La cellulite, les gars, ça vous bloque ou pas? Oh, pas du tout, non. Ah bah non, heureusement que non, putain. Mais toutes les filles en ont. Ouais, bah, toutes les... bah oui, toutes. Évidemment. Je suis d'accord. Un menton à la Bogdanov. Ah bah quand même. Non mais c'est quand même très proéminent, hein, le Bogdanov. Le porte-avions. Ouais. Moi, toi, ça me dérange pas. Dans ta famille, Enzo, ils ont ça, toi. Toi, t'as un Bogdanov, toi. Non, ça s'appelle une fossette au menton. Non, ça. Non, mec, t'as une avancée mentonnaire. Bah, vas-y, taillez, je vous dirai rien. Mais moi, je trouve ça charmant, mon pote. Ah, sa sœur, elle. On laisse sa sœur tranquille. Des pellicules. Bah. Ouais. Ça dépend si c'est un one shot parce qu'elle a pas eu le temps de se laver. Non, des pellicules au quotidien. Bah, c'est avantageux quand tu veux prendre. Excuse-moi, Yannick du Standard, tu fais le dégoûté. Les pellicules, plein de gens en ont, hein. C'est dégueulasse. Non, bah non, je suis désolée. Il y a des shampoings pour enlever les pellicules. Non, c'est du fake en plus, ça. Ah, ça redonne des pellicules, les trucs. Eden Shoulders, non, ça marche super bien. Ça marche super bien, ce qui paraît. Un nez denté. Un quoi? Quelqu'un qui n'a plus de dents. Bah, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui avait plus de dents. Hein. Mais pourquoi pas? Bah ouais. Ça peut être rigolo. Ça, c'est pour les garçons, les seins qui tombent. Soyez honnête, ça vous dérange ou pas? M'en fous. Bon, avec un bon soutif, on voit pas que ça tombe, quoi. Ouais, mais après, une fois nu. Tu fermes les yeux. Okay. Non, c'est pas grave, ça. Une tache de naissance. Ah non, j'adore. Je suis fan de la tache de naissance. Même sur le visage. Ouais. D'accord. Bah oui, Ah oui, c'est vrai, t'as eu des expériences avec les tâches de naissance, effectivement. Ah ouais. Excuse-moi, il y a un truc que t'as pas fait dans la liste, Enzo. Tu me dis, hein. La maigreur. Moi, ça me dérange, ça. Ouais, ça dépend si c'est maigreur anorexique, ça peut me faire bloquer. Moi, ça me dérange pas. Parce que, ou alors, j'aide la fille à redevenir mieux, à la limite. Ok, des dents du bonheur comme moi. Bah non, évidemment, on trouve ça tout ça dégueulasse. Connasse. Et enfin, des gros sourcils comme Amir, soyez francs. Ah non, moi je peux pas. Je peux c'est pas. Vrai mais non, c'est pas vrai, ça lui donne un charme fou, il est très sexy. Mais comme quoi, il en faut pour tous les goûts, parce que franchement, personne n'a été d'accord sur rien. Ouais. Donc voilà, les particularités physiques, ça ne dérange pas en général. Et il y a Kenny de Quimper qui avait un conseil aussi pour Yaltaz. Ça va Kenny? Salut l'équipe, salut Yaltaz. Alors dis-nous Kenny, qu'est-ce que tu lui conseilles toi? Eh ben moi en fait ce que je lui conseille, parce que je suis un peu passé par là, donc c'était pas pour des problèmes physiques mais plus on va dire un blocage, mais c'est vrai que ce que je peux lui conseiller en fait c'est de prendre soin de la fille qu'il aime, la fille qu'il souhaite justement soit construire sa vie plus tard ou soit justement passer son adolescence amoureusement. Donc moi ce que je lui souhaite c'est de prendre soin d'elle, d'être un vrai gentleman, c'est-à-dire l'ouvrir la porte, l'inviter au cinéma, c'est très romantique, ou lui payer même un petit café, c'est des petits gestes banals mais qui pourtant peuvent représenter beaucoup pour une fille. C'est très bien, mais tu sais, à 12 ans, t'as rarement l'occasion d'aller boire un café ou, tu vois, d'ouvrir la porte et tout. Ouais, mais c'est vrai que je pense que le problème n'est pas, on va dire, maintenant. Je pense que c'est un problème qui peut persister et je pense qu'il va se souvenir de ce moment en radio. Donc, je parle principalement pour plus tard quand il aura 14, 15, 16 ans. D'accord. Il est délégué, lui, c'est sûr. C'est sûr, Kenny, mon pote, tu parles tellement bien. Mais c'est vrai, t'as raison, on délaisse souvent comme ça la galanterie. Et t'as raison, Kenny, c'est quand même un bon conseil. Ouais. Yaltaz, on t'a donné plein de conseils, bichon. Prends confiance en toi, t'es drôle, t'es beau, t'as tout pour toi. On va juste te donner un dernier conseil, c'est de Pépère, d'accord? Ouais, je voulais lui demander. Ah bah alors vas-y Pépère, dis-nous, qu'est-ce qu'il peut faire pour draguer? Bah Pépère, lui, pour draguer, il a toujours un violon, hein. Ben ça c'est romantique, mais tu joues de la musique toi? Ben non, c'est pour lui enfoncer l'archet du violon dans sa grosse techa, hein. Ça fait une mélodie, et même que dans le métier on m'appelle Beethoven. D'accord. Oui. Le tour de quoi? Ah il est bon. Bon Yaltaz, j'espère que t'as passé un bon moment avec nous et tu nous tiens surtout au courant, oui. Nous on croit en toi, tu vas être le tombeur de ces dames. Merci. On t'embrasse. Bisous Yaltaz. Il était très très bon ce pépère. J'adore Beethoven. Je vais jamais m'en mettre. Le fun en incroyable talent va débarquer dans un instant. Et puis Soprano tout de suite, qui sera notre invité. Ce sera mardi soir entre 22h et minuit. Sopra tout de suite sur Fun. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste de vie. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises rien. Marion et Anso, le Nike. Night Show, c'est tous les soirs du dimanche au jeudi en direct et jusqu'à minuit. Et ce sont aussi des petites infos comme ça, un peu insolites sur les people. Oui. Est-ce que vous avez vu l'histoire avec Selena Gomez, l'équipe? Non, j'ai pas personne. Déjà, qui pourrait les garçons, Selena? On est d'accord, ah, Bodos. Ah ouais, mais même moi, je crois que je pourrais. Bon, et ben Selena Gomez, elle a décidé de boycotter complètement Justin Bieber. En gros, il y avait déjà eu l'histoire avec le Instagram. Ouais, non, mais n'importe quoi. Et maintenant, elle a changé de numéro de téléphone et elle a demandé à tous ses proches de ne surtout pas le donner à Justin. Mais peut-être qu'il a pas envie de l'appeler non plus. Bah, je pense que si. Je pense que justement, il l'appelait et tout ça et que c'est pour ça qu'elle a dit stop. Ah. Non, mais t'imagines baser Justin comme ça? N'importe quoi. Ah, on n'est pas d'accord. Alors, Justin, si jamais tu veux nous appeler, 01 42 48 5000, nous on est là. Oh yes, Justin, call me because I have some cookies. Oh. Fun. Fun Radio. Mais incroyable talent. Excuse-moi, Anso. Pourquoi des cookies? Ben, déjà parce que je parle pas très bien anglais et en plus, je crois que les garçons adorent les cookies, donc je me suis dit que ça allait peut-être l'attirer. Non, je pense que t'as paniqué. Oui, complètement. Merci. Bon, en tout cas, si vous avez du talent, venez nous le dire. Marion et Anso@funradio.fr, vous vous inscrivez. Vous pouvez être chanteur, vous pouvez être comédien. Si vous voulez être animateur radio aussi, on vous fait passer des tests et peut-être, pourquoi pas, rejoindre toute cette équipe d'animateurs de Fun Radio. Oui, c'est vrai. En tout cas, ce soir, notre talent s'appelle Léo. Je sais pas du tout ce qu'il fait, mais en tout cas, je sais qu'il appelle de Lyon. Bonsoir Léo. Salut Marion, salut Anso, salut les filles, salut tout le monde. Ça va Léo? Yo, ça va et vous? Bah ouais, très bien mon pote. Parle-nous de toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'as quel âge? Alors moi, donc, je suis chauffeur routier, j'ai 25 ans, j'habite à Lyon. Ouais. Et je suis, moi mon talent c'est que je fais rire tout le monde. Ah. Je fais des blagues. Mmh. D'accord. Mais tu fais des blagues que t'as inventées ou est-ce que tu fais des blagues que tu trouves genre sur internet pourries et après tu les racontes? Non, j'invente des blagues et puis après c'est censé faire rire quoi, en général ça marche assez bien. D'accord, et tu veux pas en faire ton métier, tout ce qui est humoriste, tout ça, non? Si, pourquoi pas, ouais, ça me tente très bien, ouais. Ah bah écoute, c'est un premier test, on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu as préparé pour nous des blagues un peu inédites ou comment ça se passe? Bah ouais, j'en ai une là. Ok, et ben on t'écoute. Alors, est-ce que vous savez pourquoi Gilbert Montagnier utilise le tutoiement? Utilise le tutoiement? Non. Ah bah parce qu'il y a un dernier qui vous voit. Ouais, il vous voit pas. Ah ouais. Bah ça oui, fait beaucoup rire Yannick du standard. D'accord, parce qu'il vous voit pas, je prends. Moi, je suis pas très cliente des vannes sur Gilbert Montagnier. En fait, il y en a beaucoup en ce moment. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir des modes. Bah, il faut rire de tout. Ouais, je sais, mais ouais, bon, mon oui. Gigi. C'est gentil. Bon, ok, vas-y, essaye une autre. C'est dans une famille, il y en a un qui dit maman, est-ce que je peux me maquiller? Sa maman répond non. Bah, alors, je peux mettre une jupe? Non. Et des talons? Non. Mais maman, j'ai 17 ans. Je sais, Thomas. Voilà. Oh, merde. D'accord. Oui, bon. Attends, bah. Parce que, du coup, si. C'était un mec, c'est ça? Bah, oui. Voilà. Ah, ok, d'accord. Oui, bah après, il les écrit lui-même, donc oui, voilà. Pardonne. C'est pas si mauvais. Voilà. Ouais, non, mais celle-là. C'est un bon début, quoi. Elle est connue, celle-là, non? Ouais. Ah bon? Non, elle, moi, je la connaissais pas. Moi non plus. Alors, non, mais lui, Enzo du standard, c'est le schizophrène. Ouais, elle est connue. Non, je la connaissais pas. Choisis ton camp, mec. Hein. C'est vrai. Poto, tu sais ce qu'on va faire? Parce que je le dis souvent, nous, on est difficile à convaincre en humour. Je sais pas, on n'est pas bon public à part Anso. Du coup, on va appeler quelqu'un au hasard en France. Ouais, et tu vas devoir essayer de faire rire cette personne. D'accord. Bah, t'es bon public. Vous êtes pas on bon tenter, public. Hein. Ouais, à part, tu sais, la petite simplette, là. Tu rigoles pour rien. Bah oui, mais enfin. Là, allez, et Gilbert et tout ça, ça n'a pas marché. Hein. Léo, je crois en toi quand même. Hein. T'es mon champion. Hein. Ouais, ça marche. Allô, oui. Oui, bonjour. C'est moi de vous déranger. Bon. Oui, moi c'est Léo. Je vous appelle en fait pour vous dire une petite blague. C'est la petite blague du jour. C'est gratuit. Ça mange pas de pain, comme on dit. Et je peux vous la dire? Alors, je sais pas. Oui. Alors, je vous explique. C'est deux médecins qui discutent. Il y en a un qui dit: hier, j'ai encore trompé ma femme avec une patiente. L'autre lui répond: mais comment tu peux faire ça? Oh, je suis pas le seul à coucher avec des patients. L'autre lui répond: oui, mais tu es vétérinaire. Pas mal. Ouais. Pas mal, non? Pas mal. Vous en voulez une autre? Il a pas rigolé, le monsieur. Vous êtes là, monsieur? Il est toujours là, hein, il répond pas. Ah, il est parti. Il y a même pas eu un petit rictus de sa part, mais nous, ça nous a fait rire. Ouais, mais en même temps, t'imagines, on t'appelle pour dire je vais raconter une blague, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Bon, est-ce que t'en as une toute dernière là pour achever tout ça, mon pote? Bon, allez, une petite dernière. Vas-y. Pour achever tout ça. Mais qu'on en finisse. Vas-y. Où passe un serpent dans la rue? Où passe un serpent dans la rue? Ah oui. Sur le trottoir? Mais non, sur un passage piton. Oh merde, un passage piton. Ok, bon. C'est alors, du jeu de mots, hein. Ouais, bon, c'est pas mal. En tout cas, t'es sympathique. Ah ça, Léo, franchement, non, je te trouve hyper cool. Tu viens pas parfois à Paris, Léo? Ah non, mais si vous m'invitez, moi je viens tout de suite, hein. Bon bah écoute, on va voir ce que ça donne. Tu sais que pour venir tout frais payé à Paris et dans les studios de Fun passer la soirée avec nous, il te faut les 5 oui de l'équipe. Est-ce que tu es prêt, Léo? Je suis prêt. C'est parti. Enzo. Et oui. Thibaut. Moi je te trouve cool donc je dis oui. Amir. Je dis oui. Anso. Moi je te trouve hyper cool mais je vais dire non. Hein. Ouh là là. Ah merde. Ah. Marion. Bon, puisqu'Anso a dit non, je dis oui. Que je suis lâche. Alors Anso, pourquoi oui? Parce que c'était pas hyper recherché, j'imagine. Voilà, je trouve que, en fait, j'ai l'impression que je les ai déjà entendus. Et puis moi qui suis hyper bon public là, c'est à part le vétérinaire, moi j'avoue le veto ça m'a fait marrer. Mais sinon ouais. J'ai pas beaucoup rigolé. Mais Léo, il n'empêche que je te trouve quand même hyper cool et que j'ai très envie de te rencontrer, de t'offrir un cookie. Ah moi aussi, avec grand plaisir. Tu vois? Eh ben écoute, si tu passes par Paris bah avec tes propres moyens, n'hésite pas à venir au studio en tout cas. OK avec mon Léo. Avec grand plaisir. Merci à vous les filles. On t'embrasse mon Léo, à très vite. Oui bon Enzo. Oui, Léo, j'ai une petite blague, on va voir si tu vas rire. Vas-y. Qu'est-ce qu'une lesbienne sans sein? Je sais pas. Une omoplate. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bah, tu vois Léo, c'est un nom pour toi puis c'est un licenciement pour lui hein, t'en fais pas. Allez, ciao. On t'embrasse Léo, bisous. Bisous à tous. Ciao, ciao. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Oui, j'ai envie de pousser un énorme coup de gueule. Puisque Marion est ici présente. Oui. Tu sais que je t'aime d'amour, Babel. Je sais. Mais elle utilise un gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains qui pue la merde. Non, c'est faux. Ça sent hyper bon, Enzo, la noix de coco. Enzo du Standard, avoue que toi aussi, t'es complètement écœuré, t'en peux plus. C'est vrai, cette odeur est ignoble. Oh là là. Infamie. Mécréante. Bon, et alors, tu vas en venir où? Bon, du coup, je me suis dit, tiens, si on parlait des odeurs qui nous insupportent. Mm-hmm. Voilà, la pire odeur que vous détestez le plus. 01 42 48 5000, appelez-nous. Excuse-moi, entre le caca et le gel antibactérien, toi, c'est le gel antibactérien. T'exagères pas du tout, quoi. Ah oui, excuse-moi, chacun priorise. Hein. Appelez-nous, on fait de la radio ensemble et on se retrouve juste après Lost Frequencies sur Fun Radio. Les Lost Frequencies, alors ça, c'est des potos. Oui. Anywhere you want to go, I follow. Mountain high and river low, I follow. Culturel pour vous les amis, oui je sais ça vous surprend mais ça arrive. Vous voulez l'entendre? Ah bah évidemment Babeur. Les journées du patrimoine commencent demain. Ah Enfin. Qui aime les journées du patrimoine? Je pense que le monde entier. Alors je vous rappelle qu'en gros, c'est les journées où les établissements de France permettent aux individus de visiter leurs locaux. Plutôt sympa, Amir. C'est pour ça que je kiffais, parce que avant, quand j'étais petit, je pouvais aller voir toutes les radios, tout ça. Oui, exactement. Tu peux voir les écoles, les radios, les châteaux, la totale. La télé et tout. Ouais. Voilà. Alors moi, en voyant Afida Turner, je pensais que ça avait commencé hier. tout ce qui était porte ouverte, mais a priori non. Donc j'étais pas du tout sur le bon tempo, quoi. Et franchement, je vais vous dire, ce petit bout de femme là, elle est commode. Hein. Ah elle envoie. Hein. Oh, moi, j'aimerais que tu fasses un spectacle. Bon, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, puisque Marion ici présente, au-delà du fait d'être très drôle, a un truc, c'est qu'elle utilise tout le temps un gel hydroalcoolique qui nous rend fous avec Enzo du Standard. Ça va. Ouais. On n'en peut plus. Il daube, mais il pue. Mais c'est pas possible. Ça pue la merde. Non, mais je suis pas d'accord. Non, alors je veux bien croire que ce soit un petit peu artificiel, mais ça sent la noix de coco. Arrêtez de vendre ça comme un truc horrible. Ça sent la noix de coco qui aurait poussé il y a 8000 ans et qui aurait été retrouvée maintenant, quoi. C'est ça horrible. Ça pue, c'est un enfer. Du coup, on s'est posé cette question. Quelle odeur vous insupporte, quoi? D'accord. L'odeur vraiment dégueu, quoi. J'aime bien ce sujet. Est-ce que je peux commencer? Vas-y. Moi, j'ai deux odeurs. C'est l'odeur de cantine. Alors, pas forcément celle des bahuts, mais alors celle de Fun. Moi, parfois, je te jure, je peux pas. Parce que pour vous expliquer, pour aller sur la terrasse de Fun Radio prendre l'air, il faut passer devant la cantine. Ouais. Et ça a beau être très bon, hein. Enfin, moyen. Et ben, parfois, l'odeur, c'est pas possible. Mais c'est juste l'odeur de cantine. Et la deuxième, c'est l'odeur. Vous connaissez mon dégoût pour cet aliment, du lait qui boue. Mais il y a pas d'odeur dans le lait. Si. Je vous jure qu'il y a une odeur, personne n'arrive à la percevoir. C'est comme les gens qui me disent, il y a pas de goût dans le lait. Mais si. Attends, excuse-moi, madame, j'ai des pouvoirs magiques. Il y a une odeur dans le lait qui boue, ça sent bizarre. Je suis désolée. Ouais. Écoutez, en tout cas, on aura appris une chose. Marion Gagneau est la seule personne à pouvoir sentir le lait. Ça va, la barbe, c'est quand même pas mal. Mais vous, appelez-nous là 01 42 48 5000. Dites-nous la pire odeur, l'odeur qui vous insupporte. On fera un tour d'équipe aussi. Et on va se faire un tu préfères spécial odeur tout à l'heure. Oui, madame. Hashtag le Night Show. Allez-y, on fait de la radio ensemble jusqu'à minuit. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour votre DJ préféré. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go le son Dance Floor. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Alors ce permis Alice, t'en es où? Je suis au taquet, là je commence la conduite, donc y'a plus qu'à. C'est comme pour nos auditeurs, y'a plus qu'à. Vas-y, explique. Sur funradio.fr, la sécurité routière propose aux auditeurs de répondre à un quiz sur le permis de conduire et tenter de gagner 1000 euros pour payer leur permis. Ça le fait, non? Grave, vivement le permis. Retrouvez aussi les progrès d'Alice sur Facebook, Instagram, funradio.fr et Twitter avec le hashtag Alice passe son permis. Le permis, c'est les bons gestes dès le départ. Conditions et règlements sur funradio.fr. J'ai été chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrape et me pousse dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé, ton fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Eh ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun Radio is my radio. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. I love you, Fun Radio. Suivez Fun Radio, le son dance floor. Let's go. Fun Radio. Salut, c'est DJ Snake. sur Fun Radio. Mettez Fun Radio à fond. Fun Radio. Le son Dance Floor. On écoute Marion et Anso, le Night Show. Faites du bruit, les voix off! Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Quelle est la pire odeur du monde pour vous? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Lâchez-vous, les amis. Pas de tabou. On fait de la radio ensemble. 01 42 48 5000. On va vous prendre à l'antenne. On va aussi se faire un petit tu préfères là, dans l'équipe tout à l'heure. Mais avant ça, je voulais demander aux garçons de cette équipe. Amir, des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une odeur qui te dégoûte plus que tout? La laine. Ah, oui. Ah, moi c'est pareil, ça je peux pas. Horrible. D'ailleurs, si possible, bah, je peux arrêter d'être à côté d'Enzo. Oh non. Arrête, t'es méchant. Il sent bon, Enzo. Déjà, il est choqué. Ouais. Enzo, un petit mot à dire? Le rapprochement était un peu facile quand même. Thibaut, à la réa Bichon, est-ce qu'il y a une odeur qui te dégoûte? Ah ouais, moi je déteste, c'est l'odeur de l'orage. Genre, tu sais, ça pue, ça sent la mort et tout ça, j'aime pas. Ah ouais, d'accord. Mais ça a une odeur, l'orage? Bah, ça sent la fin du monde. Non, bah, déjà, je trouve que c'est très mignon. Oui. Mais non, si, l'odeur, moi j'adore cette odeur, l'odeur de la pluie sur le bitume chaud. Tu ouais, sais, l'été aussi. Ça sent bon. Mais l'orage, ça n'a pas d'odeur, toi aussi, t'as si. Un pouvoir magique. Ça sent lourd, ça sent le menaçant, c'est la fin du monde. C'est l'odeur de la fin du monde. Okay. D'accord, et eh bien écoute, ton cri est passé, Thibaut. Ça marche, on a Léo de Le Lens qui est avec nous. Bonsoir Léo. Salut Marion, salut Anso. Ça va Léo? Ça va super bien, et vous? Bah très bien, quelle est l'odeur qui te dégoûte le plus au monde, toi? Ah, moi, c'est les odeurs de sueur, là, tout ça, ça, je peux vraiment pas, ça me repousse. Ah, c'est affreux. Alors, je suis pas d'accord, parce que moi, je trouve que parfois, la transpiration, ça peut être sexy. Moi aussi, mais effectivement, par exemple, quand tu prends le bus aux heures de pointe, alors qu'on est en pleine canicule, oui, par exemple, il n'y a rien de sexy, quoi. Non, c'est vrai, mais quand tu dors avec une personne que tu aimes, qui transpire, il y a une petite odeur, moi, ça me dérange pas. Ouais, moi non plus, ça me dérange pas. Léo, on est d'accord qu'on parle pas de cette odeur-là? Ah ouais, non, mais genre quand ma copine elle rentre du sport et qu'elle a sué pendant deux heures, ça me. Ça je peux pas, tu vois. D'accord. Ouais, c'est. Genre ça me dégoûte. Ouais, je comprends. Sur une fille en plus, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais, oh, je sais pas. Moi aussi. Mais Léo, tu sues bien toi aussi? Bah ouais, mais du coup, je prends des douches plus souvent, quoi. Voilà, il fait attention à lui. C'est bien, ouais, Léo. D'accord, par contre, il fait pas attention à la planète. À prendre des douches, à tout va aussi. Hein. Cool. Léo, on t'embrasse. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Bonne soirée. Bisous. On a Patrick aussi. Patrick a 32 ans. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Anso. Bonsoir, Marion. Comment ça va, Patrick? Très bien, très très bien. Quand je vous écoute, ça va toujours bien. Oh, t'es un beurre, toi. Dis-nous, c'est quoi pour toi la pire odeur? Ah, moi, l'odeur, je supporte pas, c'est l'odeur des pieds. Ah oui, je comprends. Ah, ce côté renfermé, un peu chaud, humide, là. Oh, alors, c'est... Patrick, tu me diras si tu es d'accord avec moi, parce qu'il y a l'odeur des pieds dans les chaussures et il y a l'odeur des pieds dans les Stan Smith. C'est quand même le pire fléau du monde, les pieds dans les Stan Smith. C'est comme les Converse. Hein. Oui. Tout ce qui est basket comme ça, pas très aéré, on est d'accord. Hein. Ah, mais c'est un enfer. Ouais, je suis d'accord. Il y a vraiment des chaussures qui sont faites pour puer des pieds, qui que tu sois. Ouais, et alors ceux qui mettent pas de chaussettes dans leur basket, les gars, ça c'est pas possible. Non, ah non, mais ça c'est interdit. Bah ouais, mais il y en a qui le font, excusez-moi. Ouais. Et tu pas ceux-là. C'est pas agréable en plus de pas mettre de chaussettes. Mais ne m'engueule pas, je ne le fais pas. C'est à quoi avoir des mycoses encore? Enfin, non. Patrick, on valide complètement, mais c'est vrai que les gens parfois, ça, ils peuvent pas trop maîtriser. Les gens qui puent des pieds, malheureusement, c'est pas leur faute. Voilà. Mais non. En revanche, Patrick, il y a des déodorants pour pieds qui puent encore plus que les gens qui puent des pieds. Hein, c'est vrai. Patrick, on t'embrasse, merci de nous avoir appelés. Bisous. Les filles. L'équipe, c'est parti. Tu préfères spécial odeur, vous allez tous y passer, on se concentre. Anso, t'es la première. Allez, vas-y. Est-ce que tu préfères renifler les aisselles de Thibaut à l'AREA tous les soirs pendant un an ou devoir regarder l'intégrale de l'inspecteur Derrick en boucle toute ta vie? Je renifle Thibaut sans aucune hésitation. Allez! Mais aucune hésitation. Mais pourquoi? Parce que Derrick, c'est absolument pas possible. C'est-à-dire que pour moi, Derrick, ça sent la mort. D'accord. Tu vois? C'est okay. Un épisode et tu décèdes. Pas de soucis. Et puis Thibaut, c'est mon Thibaut, tu vois. C'est pas ton de choix. Problème d'aisselle. Amir, est-ce que tu préfères sentir la merde toute ta vie ou ne plus jamais faire de radio? Ah, je suis désolée, il est corsé celui-là. Ah, il est chaud celui-là. Sentir la merde ou ne plus faire de radio? Toute ta vie ou ne plus jamais faire de radio? Après, il faut juste avoir un investissement parfum, quoi. Eh ben, je ferai un autre métier. Ah ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Au bout d'un moment, la passion, ça va bien. Tu peux pas sentir le caca toute ta vie. Bah non, mais de toute manière, on va me virer des studios après. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bien joué, Amir. Enzo, oui. Est-ce que tu préfères sentir la merguez à chaque fois que tu couches avec quelqu'un ou ne plus jamais coucher avec quelqu'un de ta vie? Ah non. Et tu sens la merguez, mon pote, hein, tout le temps. Après, la merguez, ça sent bon aussi. Hein. Bah ouais, grave. Donc tu prends la merguez. Ouais, la merguez, je la prends partout. Ouais, ok, ouais. C'est ton choix. Yannick du Standard. Est-ce que tu préfères puer de la gueule à vie ou puer des pieds à vie? Oh putain. Bah si mec, c'est facile. Hein. Ouais, c'est facile, je pense. Je préfère puer de la gueule. Ah non. Mais non, mais ça non, non. Mais tu es con. Oh, bah, le score, tu fermes ta bouche et tu pues pas. Ouais, bah, non, mais quand tu parles. Eh, c'est son choix les amis. Mais franchement, mais quel. Mais il a réville. Non mais c'est vrai que c'est pire franchement la laine, c'est pas possible. Oui. Les pieds ça va. Thibaut à l'AREA. Ouais. Est-ce que tu préfères sentir la bière toute ta vie ou te faire pipi dessus à chaque fois qu'on te dit bonjour? Alors, si je puis me permettre, ils sentent déjà la bière. Ouais, c'est vrai. Ok, je suis gaulé. Bon, bah, la bière. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. En même temps, se faire pipi dessus à chaque fois qu'on dit bonjour, c'est pas possible. Alors, attendez, parce que moi, j'en ai un qui est gratiné pour Marion. Je crois que c'est le pire du monde. Vas-y. Marion, est-ce que tu préfères te vomir dessus après chaque repas? Mm-hmm. Ou alors marcher pieds nus dans la merde tous les matins? Arrête tes conneries. Donc tu vomis après chaque repas ou tu marches pieds nus dans la crotte tous les matins? Mais je peux pas choisir enfin. Et qu'est-ce qu'on a fait nous? Bah d'accord, c'était facile. Bah je marche dans le caca pieds nus tous les matins. Après faut dire que bon bah c'est un mauvais moment à passer, puis après hop on se mais douche. Je peux me laver les pieds après? Ah bah ça non. On va se renseigner. Ok, vous consultez les règles, vous me dites. Il y a Morgane à Saujon qui est avec nous. Bonsoir Momo. Bonsoir. Ça va, Momo? Oui, ça va. Alors, c'est quoi pour toi, chérie, la pire odeur? Pour moi, c'est l'odeur des vieux, là. Enfin, quand ils se sont fait dessus, ça sent un peu l'urine, tout ça. Genre, j'aime pas trop. Non, les alors, Morgane, faut être un peu conciliant, parce que bon, bah, ils sont incontinents, les pauvres. Mais effectivement, la maison de retraite a une odeur. Mais même. Mais j'y travaille, donc c'est pour ça que je dis ça. Ah, oui, effectivement. D'accord. Et ça va? Ça te plaît? Non, pas trop. Enfin, j'ai lavé moi le matin, c'est pas mon kiff. Ouais, mais c'est un beau métier, chérie. Franchement, c'est bien après, ce que tu fais. Après, ouais, on s'occupe des gens, on crée des liens, etc. Mais après, c'est vrai que. Puis tu sais, Morgane, pour eux non plus, c'est pas un kiff hein, de se faire laver en vrai. Hein. Et on va tous ouais, y passer non, surtout. Clairement pas. Ouais. On sera vieux. Moi, si je pouvais choisir l'infirmier qui me nettoiera plus tard. Bon, en tout cas, on est d'accord. Parfois, c'est vrai, le vieux, il y a une odeur de renfermé comme ça. Ouais. Mais je sais pas, mais on sera pareil, donc faut pas juger. Ouais. Ouais, même, parfois, sans que les gens soient vieux, parfois tu vas chez des potes, bah, y a une odeur de leur, ouais, dans leur maison qui tu vois, que t'aimes pas, quoi. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai, ouais. Morgane, mais, on t'embrasse, Morgane. Merci de nous avoir appelé. De rien, bonne soirée, au revoir. Bisous. Amir, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a de la réaction sur les odeurs? Avec le hashtag Night Show, bien sûr. Dis-nous. Gaylor le Greur, une odeur que je déteste, c'est l'odeur du shit. Tant mieux. Ah ouais. Maeva IB44, l'odeur que je déteste, c'est l'haleine et la sueur. Ok. Mes sourcils émanent des odeurs cheloues en ce moment. Oula, c'est bizarre ça. Ouais. C'est pour toi ça. L'odeur du caca. Ouais, il y a pas beaucoup de bouffe, genre le chou-fleur et tout, bah, moi j'aime pas. Voilà, il y a Cassandra Kef qui dit moi c'est celle du lait caillé, ça me donne juste la germe. Merci. Oh. Ça a une odeur. N'importe quoi. Elle a raison. L'odeur des poubelles. Ouais, bien sûr. L'odeur de la salive. Hein? Ah ouais, la salive, ah ouais, qui refroidit, la salive qui refroidit. Mais attends, dans quelles circonstances t'as senti une salive qui se refroidit? Tu t'es jamais fait cracher dessus? T'as eu une enfance sympa, toi. Non, excuse-moi. Je me rappelle que moi on crache dans la bouche. Oh, en fait, excuse-moi d'avoir eu quelques difficultés au lycée. Hein. Je suis désolée. Ah. Bah ouais, ça a une odeur. Oh, ça me fait trop de peine quand tu parles de ton passé si trouble. Ma belle, on me crachait dans les cheveux. Oh, je te jure, c'est vrai. Ah bah tu vois, et on en parlait. Avec qui on en parlait? C'est avec Enzo. On disait qu'on aimait pas, ouais, l'odeur des cheveux mouillés aussi. C'est horrible. Ah, j'aime bien, moi. Tu vois, l'odeur des cheveux, oh, mouillés, hein, y a, ouais, c'est comme un animal mouillé. Un, bah, petit, non, chien mouillé, ouais. Mm. Non, mais le chien mouillé, je suis d'accord, ça pue, mais pas les cheveux, enfin. Non, si, on n'aime pas. Non, ouais. Bon, bah ok. Bon, bah c'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a Benji à Tourcoing aussi qui nous a appelé. Bonsoir, Benji. Salut, Tourcoing. Salut, ça va? Ouais, ça va, et toi? Tout bien. Ça. Impeccable. Écoute. Alors, dis-nous, c'est quoi la pire odeur? Alors, moi, en règle générale, franchement, j'aime. Bon, c'est pas que j'aime pas les odeurs, mais si la source de l'odeur elle est compréhensible, voilà, ça passe. Mais moi là, il y a une odeur, je sais pas si je pense que vous devez connaître, c'est entre l'odeur du cérumen dans l'oreille, bah, le cérumen dans ton nombril, ah, et mix tout ça. Attends, c'est pas fini. Donc les oreilles, le nombril, et les pieds, mais. Les pieds macérés de 2 semaines dans des chaussettes, il les a pas changés, le mec. Benji, arrête, je suis une foulée. Non, je te promets, cette odeur-là, je viens de la connaître, c'est la première fois que je la sens. Et je vais devoir la sentir pendant un bout de temps parce que cette odeur, c'est l'odeur de mon collègue, tu vois. Ouais, mais je comprends. Ah ouais. Cela dit, il a raison, l'odeur de nombril, ça pue. Hein. Un nombril, ça pue, je suis désolée, mais un nombril, c'est dégueu. Hein. Jamais senti un nombril. Bah, et bah, mettez votre doigt dans votre nombril. Ah non, vous, c'est chez, voilà, vous. C'est, et sentez votre doigt. Et bah, vous allez voir que c'est pas terrible. Mais excuse-moi, faut se laver, en fait. Faut se laver, c'est tout. Non, mais faut bien se laver le nombril, effectivement. Moi, j'ai pas un nombril qui pue. Mais effectivement, c'est, oh, parce que c'est un trou, donc il y a plein de petites, ouais, choses qui se mettent dedans, c'est, ouais, pas méchant. Bon. Oui, il y a des zizi. Voilà, c'est bon. Pas. Je vais vomir. Il rajoute bien les dépôts entre les orteils, il rajoute ça. Oui, hein, oui, c'est bon, on a compris ça. Moi, un jour, j'ai un de mes potes, j'ai mis mon doigt dans son nombril. Arrête, je vais vomir. Mais tu sais de qui on parle en plus. Arrête. Et du coup, ensuite, j'ai enlevé mon doigt. Et je sais, bah, dans la journée, je me touche le visage et j'ai senti une odeur. Ouais, bah, mec. Et ça sentait la merde. C'est un enfer, mais oui. Faites-le chez vous et dites-nous avec le hashtag le Night Show. Merci Benji en tout cas de nous avoir appelé, c'était vraiment sympa. Ah ouais, merci beaucoup Benji. Et on va clôturer ce sujet avec Pépère. Je sais pas si c'est, ouais, une bonne idée. Pépère, pour toi, c'est quoi la pire odeur? Bah, Pépère, lui, il déteste l'odeur de la rose. Hein. Ah bah non, ça sent bon une rose. Bah non, parce que vu que j'ai pas de vase, Pépère il est dégoûté parce qu'il met à tremper les roses dans la chatte à mémé. Et du coup, ça le dégoûte parce que ça pue. Hein. D'accord. C'est dégueulasse, mec. Bah oui. D'accord. Ouais. Pas de réaction, les gens sont gênés. Oui. Tu gênes tout le monde. Dans, oui, un instant sur Fun Radio, c'est le Pourquoi tu m'appelles qui débarque juste après Sia sur Fun Radio. Tellement bon ce titre. I am the wisdom of the fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest. Ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure. I'm hands on with effort. I failed twice before. My bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the strongest survive. Another scar may bless you. I don't give up. No, no. Give up. No, no. Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. I won't give up. Vous écoutez Marion et Anso, on est en direct avec vous jusqu'à minuit. Et attention, jeudi prochain, ça veut dire dans une semaine tout pile, on viendra chercher l'un d'entre vous au Bahut. Alors on vous le dit clairement, ce sera à Paris ou en région parisienne. On viendra vous chercher avec Marion, on fera une activité avec vous, on vous emmènera passer la soirée avec nous dans les studios de Fun Radio pour assister à l'émission. Oui. Et très bientôt, vous qui êtes en province, on viendra vous chercher un vendredi, ce sera début octobre. C'est ça, dans moins d'un mois on le fait. Inscrivez-vous par mail marionetanso@funradio.fr ou alors sur Twitter, ça marche aussi, avec un hashtag, vous savez le dièse, comme disent un petit peu les adultes. Hashtag Marion et Anso, opération Bahut. Pourquoi tu m'appelles ? J'ai pas appelé que tu m'emmerdes là. Moi j'ai pas appelé monsieur. J'ai appelé personne putain qui se fait chier là. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Et si vous voulez des t-shirts hyper stylés pour aller en cours au taf, et ben c'est dans le Pourquoi tu m'appelles qu'il faut jouer puisqu'on vous offre votre pack Monsieur T-shirt. Et franchement ça déchire, on va vous mettre des photos sur les réseaux sociaux, ils sont hyper sympas. C'est canon, il y a des sweats, il y a plein de trucs. Allez-y pour faire, tu vois quand on cherche des cadeaux à nos mecs ou nos meufs pas trop chers. Ouais. Et ben là-dessus il y en a plein. D'accord, Anso. Voilà, moi je donne des petites idées comme ça avec Noël qui approche. Hein. On joue avec Raphaël ce soir de Senlis. Bonsoir, Raphaël. Salut les filles, salut toute l'équipe. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ça va, Raph? Ça va super, et vous? Bah ouais, très bien. T'as quel âge, toi? J'ai 13 ans. Il a 30 ans, lui. Ok, 13 ans. Ça se passe bien à Senlis? T'es en quelle classe? 4e. Bon, bon élève, tout va bien? Tout va bien. Tu fais du sport éventuellement? Tu as une amoureuse? Ouais, je fais du football et non, je n'ai pas d'amoureuse. D'accord. Et tu nous écoutes depuis quand? Alors, en fait, je vous ai découvert avec la vidéo sur les mots à ne jamais chercher sur Google. Ah, énorme. Ah, ouais. Topito, ouais, elle est toujours dispo là. Elle marche bien. Hein. Je crois qu'elle a fait 400 000. On va vous la faire retourner sur les réseaux sociaux. Tout à fait, Marion. Depuis, c'est le coup de foudre, quoi. Ouais, carrément. Tu veux jouer contre qui ce soir? Contre Marion. Ok. Alors, Raphaël, tu sais bien. Qu'on aime se donner des petits handicaps, histoire que tu gagnes plus facilement. Et je pense que celui-là, elle va se faire raccrocher au nez très vite. Tu vas devoir finir chaque phrase par « j'aime la teub ». Arrête. Un peu de respect. Bah quoi, un peu de respect? Tu me respectes, moi, parfois? Non. Alors, Raphaël, on laisse Marion commencer, comme ça tu verras un peu le temps qu'elle fait. Ça marche. Allez, conserve, petit bout de choses sympathiques. Allez. C'est faux, en plus. J'aime la teub, mais tu me fais pas, hein. J'aime la teub. Tu me fais un vrai « j'aime la teub ». D'accord. Faut que tu y crois, quoi. C'est pas la dernière. Allô? Allô, j'aime la teub. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, pourquoi tu m'appelles? J'aime la teub. Allez, vas-y, faites vos jeux comme ça, c'est rigolo. Quel jeu? De quoi vous parlez? Pourquoi vous m'appelez? Excusez-moi, j'aime la teub. Bah, bien sûr, c'est moi qui vous appelle. Bah oui, il y a mon téléphone qui vient de sonner, j'aime la teub, donc je ne comprends pas. Est-ce que c'est un pari? Bah, si vous aimez la teub, tant mieux pour vous, heureusement. Bah, merci, j'ai le droit de le revendiquer, j'aime la teub. Il aime la moule. Bah voilà, et ben moi j'aime la teub. Donc pourquoi vous m'appelez? Oui, c'est ça, je vais bien me faire appeler. Pardon? J'aime la teub. Est-ce que vous aimez la teub éventuellement? Hein? Non, pas du tout, vous aime pas moi. Si, vous avez une voix, aimez la teub. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, ça s'entend. À ce point? Ah ouais, alors team teub ou team moule? Moule. Ah, team moule. D'accord. Ouais. Ah bah c'est très sympa. Et donc, vous êtes célibataire ou comment ça se passe? Oui, je suis célibataire. Ah ben, pourquoi vous appelez? C'est quoi le jeu? Mais justement, là, vous êtes fait cramer, là. Ah non, mais justement, c'est moi qui essaie de comprendre pourquoi vous m'appelez. Ok. Ok? Ok, d'accord, je vous écoute. Bah, maintenant qu'on se parle, on peut éventuellement se parler, vu que vous aimez la moule. Bah, bien sûr, je vous écoute. Alors, quel type de moule? Une moule brune, une moule blonde, on est comment? Plutôt brune, parce que blonde, elles sont souvent connes. Alors, est-ce qu'on aime les moules à franges? À franges, bon, ça dépend de quel côté. À bas droite, régulière, franges sympa. Ah oui, droite, ça va, ça va. Voilà, oui. Moule petite taille? Oui, ça va. Et ben voilà, c'est tout, ça moi. Ça peut passer. J'ai l'impression qu'on est faites pour s'entendre. Exactement, et vous êtes tombée sur moi. Bah ouais, ah. Je suis ravie, vous avez quel âge? C'est aussi intéressant que ça? Bah ouais, ça m'intéresse, vous habitez où? Et vous, vous m'appelez d'où? Vous appelez en plus sur le fixe, vous savez? Bah je sais. Et vous appelez d'où, vous? Mais je sais, je peux pas vous dire parce que c'est vous qui m'appelez et voilà, j'ai envie de maintenir un peu le suspense. Ouais, c'est ça. Vous avez un petit accent, non? Ouais. Vous venez d'où? Non, c'est pas important. Bah pourquoi? Parce que c'est pas important. Dites-moi déjà pourquoi vous appelez, comme ça on pourra parler. Excusez-moi, j'aime les tubs. Il y a quelqu'un derrière vous, non? C'est la télé, désolé. Ah merde, je croyais qu'il y avait une tub. Non, pas du tout. Bon bah les gars, on s'est tout dit, non? Oui. Hein? C'est bon là. Bah écoutez, ouais. On va se dire au revoir alors. Au revoir et bonne continuation, sauf que ça va marcher avec moi. Allez, merci salut. Beaucoup. au revoir. Bisous la moule. Salut. Bisous. Bon bah du coup je devais pas tenir longtemps, j'ai tenu 1000 ans. Bah ouais. Combien? En plus, elle a pas compris ce qu'elle a dit, ça a pas marché avec moi, mais si en fait. Bah oui si, totalement. Combien? On a fait 2-20 là. Aïe. Raph, c'est chaud 2-20 hein. Ah t'as pas de chance bichon, mais ça va le faire, tu peux aussi tomber sur un bon client. J'espère. Allez c'est parti, on y va Raph. On le sent bien. Vas-y au talent. Moi je crois en toi mon pote hein. Moi aussi. Mais je t'aime. Moi moyen mais j'ai de l'espoir. Moi, ça, c'est bizarre. Oui. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Qui est à l'appareil? Ah, je sais pas, c'est vous qui m'appelez. Ah bon? Ah bah tiens, c'est marrant parce que j'allais vous demander, j'allais vous dire exactement la même chose, vous m'appelez. Ah écoutez, vous venez, ça vient de sonner là, vous m'appelez, c'est marqué numéro privé, donc... Ah bah c'est absolument la même chose pour moi, c'est étrange. Vous m'appelez pour l'annonce Le Bon Coin ou non? Non, pas du tout. Comment ça se fait? Vous êtes chez quel opérateur, monsieur? Ah ben bah, écoutez, là je comprends plus rien. Là. Tout à l'heure, il y a un type qui m'a appelé pour une annonce que j'ai mise sur Viva Street. Il m'a dit tout à l'heure on va vous rappeler, mais là je sais pas. Bah moi également. Enfin, j'avais un appel tout à l'heure et justement j'attendais un rappel et c'est vous que j'ai au téléphone. Vous êtes chez quel opérateur? Non, mais c'est pas une question d'opérateur. Je pense qu'il faudrait contacter. Voilà, c'est pas normal. Ça, je m'en occuperai, mon opérateur. J'ai pas à vous communiquer mon opérateur. C'est que, bon, écoutez, si c'est une erreur commune, on va arrêter. Voilà. C'est pas une erreur commune. Enfin, monsieur, c'est inquiétant quand même. Oui, si nos appels s'échangent, j'ai pas envie que ma femme tombe au téléphone avec vous. Ah, Bichon, t'es trop mignon. Ma femme, il a 13 ans. Il est bon. Ce soit crédible. Combien de temps il a fait Thibaut à la réa? On a fait 1,05. Ah ouais, mais il me fait trop de peine. Mais c'est surtout qu'il est tellement bon, il a essayé de rebondir il pouvait. Il s'accrochait aux branches. Ouais, franchement, il avait de la répartie. Bon, bah, de toute façon, tu sais très bien comment ça va finir cette histoire. Bah oui, tu sais quoi, Raph? Ouais. C'est gagné! Oh, merci! Ça ne veut plus rien dire. Hein. Oh, ça va. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. C'est gagné parce que tu t'en sors super bien et que moi, je suis tombée sur une nana très chelou. Voilà. Ouais. Ouais. Ok? Ouais. Raph, on t'embrasse et on t'envoie ton pack T-shirt, Monsieur T-shirt. Ok, bah écoutez les filles, je vous adore toute l'équipe, je vous écoute tous les soirs et vraiment vous me donnez la pêche et tout, enfin vous êtes géniaux. C'est trop mignon. Merci mon pote, on t'embrasse. Raph. Gros bisous. Ciao. Le Pourquoi tu m'appelles revient dimanche soir en direct les copains aux alentours de 23h et nous dans un instant nous allons accueillir Caroline. Caroline, elle a un souci, ça ne m'est jamais arrivé mais franchement je pense que ça va intéresser plein d'entre vous. En gros, elle pense que son mec a honte d'elle. C'est horrible. Genre ouais. Il veut pas l'amener aux soirées, il veut pas la présenter à ses potes, tout ça, donc elle en souffre un peu. Elle voulait notre avis et le vôtre aussi. Donc 01 42 48 5000, appelez-nous si ça vous est déjà arrivé. On en parle juste après Major Lazer sur Fun et nous on les aime. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Le Night Show, et bah c'est maintenant, c'est toute la soirée jusqu'à minuit, il est 23h13 et c'est un kiff d'être avec vous. Oui, Anne-So, t'es pas prête là, j'ai l'impression. Hein. Si, si, je suis complètement là, moi, dans la place, quoi, les gars. Au taquet. Pas de souce. Est-ce que je peux passer un petit coup de gueule? Ah oui, alors bien vas-y. Sûr. Alors, j'étais en train de suivre évidemment sur les réseaux sociaux et un petit peu partout Secret Story en même temps. Et ouais, ah, alors qui est parti? Que c'est Pierre qui est parti. Oh non, mais ça va. Alors, mais non, mais, bon, ok, ça n'intéresse que moi, je sais, mais je trouve ça scandaleux parce que Pierre, ils ne l'ont jamais montré dans les images. Et je trouve que la prod met vraiment en avant les gens qu'elle a envie de mettre en avant. Ce Pierre, il était mignon, il avait l'air sympa, mais voilà, il faisait pas assez de trucs pour le buzz, donc bim, il sort. C'est pas normal. C'est dommage parce qu'il était vraiment très, très intéressant de manière, d'un point de vue tout à fait physique. Bah ouais, puis vraiment, je trouve ça dommage parce que je suis sûre qu'il aurait pu apporter plein de choses au programme. Voilà, bon, bah tant pis. Pierre est sorti, c'est pas grave. Ton coup de gueule a été lancé, est-ce que nous pouvons nous occuper de Caroline? Oui, on peut. Caroline appelle de Lorient, elle a un souci. Bonsoir, Caro. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, toute l'équipe. Ça va, Caro? Bienvenue. Oui, ça va, je suis excitée. Je suis avec vous à l'antenne, n'y crois pas. Eh bah, bienvenue, ça nous fait plaisir de t'entendre. Ah, je vous adore. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe avec ton chéri? Oh, bah, moi, j'ai l'impression que mon chéri, il a honte de moi. Pourquoi tu dis ça? Ça fait combien de temps que t'es avec lui déjà? Bah, ça fait 10 mois, mais bon, j'ai une mauvaise impression. Bon, eh bah, tu sais quoi, tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que t'as des exemples précis? Eh bah, j'ai jamais vu ses potes et pas encore ses parents. D'accord. Ah ouais, ses potes, c'est un peu chez ses parents, ça va, mais... Dis-moi, je sais pas. On va débattre dans un instant. Bouge pas, Macaron, on va trouver des solutions. Et puis, on va surtout demander aux auditeurs, là, s'ils ont déjà vécu ces situations avec un mec ou une meuf. Est-ce qu'on a déjà eu honte de vous? L'équipe, on a eu honte de vous ou pas? Non. Oh, c'est très certainement, moi. Ouais. J'ai déjà honte de moi. Appelez-nous 01 42 48 5000. Hashtag le Night Show, ça marche aussi, parce qu'on est connectés, on est comme ça, on se parle partout, quoi. Allez, on revient tout de suite. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Il y a une info qui vient de tomber ce matin. C'est un professeur de l'université d'Oxford. Elle s'appuie sur le fait que notre corps possède deux types de graisse, la graisse blanche et la graisse brune plus saine qui brûle les calories. Et alors, il paraît que le froid permettrait de transformer la graisse blanche en graisse brune. Ouais. Et donc, elle conseille pour perdre du poids de dormir la fenêtre ouverte. C'est-à-dire que quand il va faire moins 20, vous restez la fenêtre ouverte. Jacques, tu vas mourir. Ouais, mais je suis maigre. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu, un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Tous les soirs, 22h minuit, Here we go. Marion et Anne-So, le Night Show, sur Fun Radio. Et on est avec Caroline qui nous a appelé là de Lorient. Elle a 23 piges. Ça fait 10 mois qu'elle est avec son chéri. Ouais. Et là, un mauvais pressentiment. Elle a l'impression que son mec a honte d'elle. Alors pourquoi? Parce que déjà, ça fait 10 mois, il l'a jamais présenté ni à ses potes, ni à ses parents. Donc on se disait que la famille, c'est normal. Ouais, la famille, moi, je pense que ça peut demander une belle année, moi, je dis. Mais les potes? Les potes, normalement, c'est tout de suite, non? Bah ouais, tout de suite, au bout de quelques soirées, quelques semaines, quand même. C'est bizarre. Est-ce qu'il te donne une explication à ça, Caroline? Bah non, mais il me dit en gros qu'il aime bien rester avec ses potes tranquille et tout. Après, je veux bien qu'il ait des soirées garçons. Je lui laisse, ça, y a pas de souci. Mmh. Mais des fois, je sais qu'il y a les copines qui viennent, bah moi, je suis pas conviée, quoi. Ah oui, il d'accord. Il m'emmène pas. Les potes de ton mec ont des meufs et elles viennent aux soirées, quoi. Et moi, bah voilà, je viens pas. Donc du coup, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a quelque chose à cacher? Ou alors il a honte de moi? Je suis un peu perdue. Est-ce que, alors très objectivement, c'est compliqué à faire, mais est-ce qu'il aurait une raison d'avoir honte de toi? Je veux dire, est-ce que t'es déjà physiquement, tu dois lui plaire, sinon il serait pas avec toi? Ouais, après je suis un peu rondelette, hein, je veux pas le cacher, oui, mais bon, voilà, est-ce que c'est ça? Bah non, enfin je vois pas pourquoi ce serait ça, sinon si c'était pas son style, on aurait choisi une autre plus mince, tu vois. Ouais, je sais pas. Après peut-être, hein, y a des mecs qui sont un peu cons, moi j'appelle ça con, parce que je trouve que quand t'es avec quelqu'un, honnêtement, bah tu le prends comme il est et tu l'assumes. Mais bon, peut-être que ton mec, voilà, il fait partie de ces gens qui n'assument pas, mais ça m'étonnerait quand même. Est-ce que peut-être toi t'es pas dans le même délire que lui et ses potes, je sais pas, t'es pas dans un délire où tu fais la fête, je sais pas. Et Caroline, est-ce que tu le sens un peu bizarre, genre par exemple, est-ce que tu le sens un peu en dialogue, parce que on sait jamais, ça se trouve il a une autre meuf. Non. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, il emmène sa meuf officielle avec ses potes et Caro, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de te faire flipper, hein, Caro, mais j'essaye de trouver toutes les éventualités. Bah après, je t'avouerai qu'il me cache son téléphone, j'ai pas le droit de le voir. Donc, je sais pas, après. Et alors, voilà. Caro, est-ce qu'il met des photos de vous deux, par exemple, sur les réseaux sociaux? Alors voilà, il a pas de réseaux sociaux, il en a aucun. En plus, d'accord. Donc, voilà. Donc c'est la seule chose qu'il a, c'est son téléphone et il le cache, quoi. Bon. C'est bizarre. Ouais, ça c'est bizarre aussi, hein, Caro. Hein. Ça fait beaucoup de choses en fait. Et t'as pas essayé d'avoir une discussion simple avec lui en lui disant, écoute, je sens qu'il y a un truc bizarre. Tu ne m'emmènes pas à tes soirées alors que tes potes ont leur meuf. Voilà, de lui dire, bah écoute, si ça continue comme ça et que tu t'investis pas plus, moi je vais avoir envie d'aller voir ailleurs et d'être avec quelqu'un qui me considère vraiment. Ouais, bah je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je suis trop gentille, moi je dis rien. Je dis, bon, bah peut-être qu'il a pas envie que je sois là. Enfin, je m'écrasais un peu, mais en fait, je devrais pas. Anso a la raison. La première chose à faire, c'est avoir une discussion avec lui parce que peut-être qu'il va t'amener directement les réponses. Peut-être qu'il attend que ça de discuter avec toi. Alors il y a deux options. Comme Anso dit, j'espère pas pour toi, mais peut-être qu'il a une autre vie à côté et qu'il a des choses à cacher. Peut-être qu'aussi, il ne t'assume pas et ça, faudrait vraiment comprendre pourquoi. Ou alors, peut-être tout simplement qu'il est comme ça. Voilà, et quand il est avec ses potes, il a envie d'être avec ses potes. Il aime bien faire la part des choses et c'est sa personnalité, tu vois. Donc vraiment, il n'y a que lui qui peut t'apporter des réponses. Ouais. Mais du coup... Ouais, je pose la question. Bah oui. Et du coup, Marion, toi, t'as déjà vécu un truc comme ça? T'as déjà eu... honte ou quelqu'un a déjà eu honte de toi, je sais pas. Alors moi, honnêtement, j'ai jamais eu honte de personne, mais j'avoue, j'avais une petite gêne, c'était au collège. Alors c'était pas physique ni rien, c'était le prénom du gars. En gros, le mec s'appelait Féréol. Et j'avoue, j'avais du mal à l'assumer quand on me demandait et tout, je disais pas en fait. Je disais oui, j'ai un mec, il s'appelle comment? Ouais, j'ai un mec, voilà. Ah, Féréol, c'est chaud. Bah non, j'aime bien moi. Il était tout seul, Féréol, ou pas? Est-ce qu'il avait une compagnie? C'est ça ma question. Quoi? Pourquoi? La compagnie Féréol. Enferme ta gueule. Non mais tiens, tu la vois celle-là? Non. Et toi tu le suis, Thibaut, à l'arrière. J'adore. Mais vous tuez. Amir, je suis ton premier fan. Avec moi aussi, j'adore la compagnie Féréol, quoi. Arrêtez vos conneries. Non mais tu sais quoi? Ça faisait penser aux céréales. Ou à une marque comme ça de bouffe. Et je sais pas, il se faisait beaucoup charrier, le pauvre. Et j'avoue, j'avais une petite gêne, mais bon, c'est vite passé quand même. Oh, moi j'aime bien Féréol. Moi je suis sorti avec un mec qui s'appelait Othello. Ça passe, Féréol. Ma sœur s'appelle Fériel. Ah oui, c'est joli, Fériel. Par contre, Othello, c'est ça? Non, Othello. Othello, ça va pas, ça. Bah si, sa mère était fan de Shakespeare, donc elle avait appelé Othello. D'accord. Bah, moi, j'aimais bien. Et c'était un joli garçon. Et toi, à côté de ça, t'as jamais eu honte de personne? Non, moi, j'ai jamais eu honte de personne. Sauf au collège, je sortais avec un mec qui voulait toujours m'embrasser. C'était assez gênant. Tu sais, genre le mec qui veut tout le temps mettre sa langue dans ta bouche en toutes circonstances, alors que ça n'a pas lieu d'être. T'attends le bus, il veut mettre sa langue dans ta bouche. Tu vas chercher un croissant, il veut mettre sa langue dans ta bouche. C'est insupportable. C'est pas faux. Thibaut, à l'AREA, est-ce que tu as déjà eu honte de quelqu'un ou inversement? Non, moi, ce que je fais, c'est que je prends toujours des filles plus belles que moi. Comme ça, je suis sûr, tu vois, d'assumer, quoi. Ah, bonne technique. Ouais. Bravo. Très bien. Bien joué. Pas mal. Il est bon. Il y a Claire de Bordeaux qui nous a appelé, qui a des conseils pour toi, Caro. Bonsoir, Claire. Coucou Marion, coucou Enzo, coucou toute l'équipe. Ça va, très bien. Alors dis-nous chérie, est-ce que toi tu te reconnais un peu dans le témoignage de Caro ou comment ça se passe? Bah écoutez, moi en fait avec mon ex j'aimais pas du coup l'amener sortir avec lui, l'amener à mes soirées. Parce qu'en fait il avait des problèmes d'hygiène en fait, il avait une forte odeur sur lui, enfin voilà, et du coup moi j'avais un petit peu honte de l'amener avec moi à mes soirées. Mais toi ça te dérangeait pas au quotidien? Bah oui c'est ça. Mais enfin voilà, je sais qu'il était propre sur lui parce que voilà, on vivait ensemble et il se lavait et tout, mais après, c'était une forte odeur qu'il avait et moi je n'osais pas l'emmener par rapport à mes amis quoi. Ah ouais, non mais moi j'ai du mal à cerner comment toi, en ayant conscience de cette odeur et en la vivant au quotidien, ça ne te dégoûtait pas, mais enfin pourquoi pas, c'est classe de ta part. Ouais. Et t'es resté combien de temps avec ce mec Claire? Moi je suis restée 2 ans. Ah d'accord, ouais. Attends, quand même. Et 2 ans où tu l'emmenais nulle part? Ah non, je l'emmenais nulle part. Non. Mais attends, justement, il se retrouve dans la position de Caro, donc à un moment donné, il a fini par t'en parler parce qu'il devait trouver sa louche. Ben oui, mais je trouvais toujours des excuses et pareil. Enfin, je vous disais que voilà, je préférais attendre un petit peu. J'essaie de trouver des excuses à chaque fois. D'accord. Eh bien écoute, merci de nous avoir appelé, ça va pas rassurer Caro. Caro, tu ne pues pas, c'est pas ça, t'inquiète pas. D'accord. On t'embrasse, Claire. Bisous tout le monde. Bisous. Il y a Ludo aussi qui est à Paris avec nous. Bonsoir Ludo. Salut les filles, salut toute l'équipe. Ça va Ludo? Ça va, super, super. Bon, qu'est-ce que tu voulais nous raconter à ce sujet toi? Bah, ça va être un peu comme Claire en fait. Moi aussi, j'ai pas voulu présenter ma copine ni à mes parents et ni à mes amis. Parce qu'à la suite d'un drame familial, elle a pris 20 kilos en 1 an et demi. Oh non. Ouais. Ouais, mais... Ça, c'est voilà. Ouais, voilà. Donc, au début, elle était normale, hein, forcément. Donc, elle est toujours. Bon, Enfin, voilà. Et du coup, au moment où je voulais la présenter, il est arrivé ce drame-là. Et puis, après, c'était pas trop possible, quoi. Elle avait pas envie de sortir. Et en plus, elle s'est réfugiée dans la bouffe. Donc, forcément. Bah après, moi, j'ai pas assumé, quoi. Je comprends qu'à moitié parce que voilà, c'est ta chérie, il y a des périodes comme ça et puis je sais pas moi, des rondeurs, une prise de poids et c'est quand même assumable, il y a des filles à qui ça va très bien et ta famille elle va quand même pas juger là-dessus ou alors vraiment ils sont pas fut de fut. Ouais, franchement hein. Ludo hein. Ouais, moi je sais pas, j'avais pas trop confiance en moi aussi donc du coup j'avais peur, enfin je voulais pas vivre ça en fait, je voulais pas être mal à l'aise quoi. Ouais, mais elle t'imagines, tu l'as pas aidée en faisant ça hein. C'est-à-dire que non seulement elle avait des problèmes, elle se réfugiait dans la bouffe tout ça, mais en plus toi tu l'excluais de tout ton univers, du coup ça devait être pire pour elle. Bah, c'est sûrement pour ça, parce qu'aujourd'hui on est séparés. Donc, Marion, l'engueule pas, il est tout penaud déjà, Ludo. Ah oui, je sais, mais je pense à elle, tu vois, la pauvre fille. Oui. C'est dommage. Mais du coup, est-ce que vous êtes séparés pour ça, pour cette prise de poids? Elle m'a reproché de jamais vouloir sortir avec elle et tout, en extérieur en tout cas, dans les lieux publics, et puis la présenter. Donc à un moment, elle a dit stop, et puis bon, on a fini par se quitter, quoi. Mutuellement, ouais. Mais c'est plus elle qui avait des reproches à faire au final que moi. Caroline, t'es là ma belle? Oui. T'as pas pris du poids ou un truc comme ça toi? Non, j'ai toujours été la même. Ouais, il t'a pris comme t'étais et t'es restée la même. Oui. Moi, je te dis, il y a un truc chelou avec ton mec Caro. Moi, je trouve qu'il y a un truc bizarre. Oui, Thibaut à l'arrière. Ouais, moi je viens de penser à un truc. J'ai un pote, il a mis 2 ans avant de nous présenter sa nana. Ouais. Il faisait que de mal nous la vendre et tout. Et le jour où il nous l'a présenté, en fait, c'est un canon. C'est genre, elle est trop belle. Et en fait, il nous a avoué après que c'était pour ça. Genre, il flippait de la présenter, ouais, tu vois. Genre, il avait peur que t'es. Enfin, que vous lui piquiez, en fait. C'est ça. Ah ouais. Ah, mais tu vois, Caro, ça se trouve, t'es. Archi bonne. Ouais. Oh merci. Ah, c'est possible. Ouais, mais c'est possible hein. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que tu aies une discussion avec ton mec hein, Caro en vrai hein. Ouais, mais après j'ai peur de la réponse, mais bon au moins je serai fixée. C'est ça. Ludo, en tout cas merci de nous avoir appelé, on t'embrasse mon chat. Il y a Clara aussi qui a des conseils pour toi Caro. Bonsoir Clara. Oui, bonsoir. Ça va Clara? Ça va très bien. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Eh bien moi en fait je suis toujours avec la personne, donc ça fait 5 ans maintenant. Pendant 1 an et demi, je ne le voyais jamais à part à la fin des soirées ou autre. Surtout pas avec les amis, surtout pas la famille, etc. Donc on en a parlé, j'ai essayé pendant 1 an et demi d'en parler avec lui. Donc lui m'expliquait que au départ il n'était pas trop chaud pour être en couple tout simplement. Et puis par la suite, donc il s'est décidé réellement à se mettre avec moi. Donc j'ai rencontré les amis et tout ça. Et il s'avère que les amis, étant donné que c'était quelqu'un qui était assez coureur auparavant, etc., m'ont avoué plein de choses sur lui. Et je pense que c'est pour ça, au final, qu'il ne voulait pas trop me présenter les amis, en fait. Pas bête. Ah ouais, c'est pas bête, ouais. Caro, peut-être qu'il a peur que tu apprennes des choses sur lui. Impossible. Mais, d'une part, je pense d'une part de s'affirmer, et d'autre part qu'elle apprenne des choses. C'est possible, non, c'est possible. Et puis Caro, vous en êtes peut-être là aussi dans votre relation. Est-ce que vous allez au ciné, au resto? Peut-être que vous voyez juste aussi pour faire l'amour le soir. Vous passez certes de très bonnes soirées, mais vous en êtes peut-être pas là dans votre relation aussi. Ouais, peut-être. Tu vois, c'est peut-être. Je pense que t'arrives pas trop à te positionner avec ton mec, et je pense qu'il y a un vrai déficit de communication. Faut que tu lui parles, en fait. C'est la clé du succès. Il faut que tu lui parles. C'est tout à fait ça, un déficit de communication. Oui, c'est ça. Mais non, mais tu lui parles pas et t'oses pas lui parler, alors que si ça se trouve, il attend que ça, ton mec. Crève l'abcès. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis timide. En tout cas, Clara, merci de nous avoir appelés. Tu nous as mis sur un nouveau chemin qui n'est pas dégueulasse. Avec plaisir. On t'embrasse, Clara. À bientôt. Bisous. Bonne soirée. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Bah. Amir, on t'a pas demandé, est-ce que toi, tu as déjà eu honte d'une fille? Honte de sourcil. Bisous, Amir. Dis-nous. Bisous, ma chérie. J'ai déjà eu honte d'une... Enfin, j'ai, ouais, une meuf, c'était une ex. Ouais. Et en fait, elle était mythomane, mais complètement mythomane. Ah ouais, tu m'en avais parlé, du coup, tout le monde le savait dans ton entourage. Ouais, tout le monde le savait, et puis il y avait des gens qui le savaient, mais qui n'osaient pas me le dire, parce qu'ils ne connaissaient pas la relation. Mais genre, attends, elle s'inventait complètement une vie... Ah ouais. Genre, elle bossait avec des gens alors que c'était pas vrai et tout, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, en gros, bah, avec elle, moi, je pensais qu'elle avait le permis, elle l'avait pas. Elle m'avait dit qu'elle allait récupérer un jour une Fiat 500 dans le sud. Et puis, elle m'avait dit que sur la route, elle avait un accident, que du coup, la Fiat était restée dans le sud. Mais en fait, elle a jamais eu le permis. Ah, oui. C'est une mythomane. Et puis, elle a menti comme ça à plein de gens. T'es resté combien de temps avec elle? Ah, longtemps. Ah bah, là, dans ce cas-là, je comprends que t'es honte de la personne. C'est assez logique. Ce qui est bizarre, c'est de rester avec. Mais enfin, bon, c'était 0 fois. Ouais, franchement, à la fin, je suis resté avec. Je me suis dit, je vais terminer toutes mes études et après, je me casse. Mais t'es un naïf mignon, toi. Ouais, ouais, hein, c'est ça. Caro, est-ce que tu veux une anecdote de Pépère pour finir ou pas, chérie? Oh oui, Pépère. Voilà. Pépère, est-ce que tu as déjà eu honte de mémère ou de quelqu'un dans ta vie? J'aime bien savoir, elle. Bah oui, Pépère, des fois, il a eu honte de sa vie à cause de mémère, hein, ça c'est sûr. Pauvre mémère, pourquoi t'as fait honte encore? Bah, dès qu'elle voit mes copains, elle nous montre son gros club plein de merde. Bah oui, elle est incontinente. Oh non! Attends, mais je savais pas que mémère, elle était incontinente. Bah oui, c'est nouveau, ça vient de tomber. Il y a une alerte push sur Morandini. Il a mis un push. D'accord. Okay. Caroline, on t'embrasse, ma chérie, et tu nous tiens au courant surtout. Merci les filles, ça marche. Gros bisous, on t'embrasse. Salut. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va bitcher tous ensemble. C'est le moment où on parle un petit peu sur les uns, sur les autres. Ça faisait longtemps. Yeah. C'est la première fois de la saison 2 qu'on va bitcher. 01 42 48 5000, on se retrouve après Martin Garrix sur Fun. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all. In the name of love, would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all. testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. L'équipe, avant qu'on bitch ensemble là, avec les auditeurs, 01 42 48 5000, si vous voulez faire les langues de avec nous, appelez-nous. J'aimerais qu'on parle Danse avec les stars. Ah, vous avez vu, le casting est quasiment au complet. Donc, on avait appris déjà que Karine Ferry ferait l'aventure, Valérie Damido aussi. Il y a Olivier Mine aussi, que j'aime beaucoup. Moi aussi, pas mal. Et ce matin, quelqu'un a annoncé sa présence à l'émission, c'est Julien Lepers. Ah bon ? Présentateur de Questions pour un champion. Oui, il l'a dit, bonne ou mauvaise idée, les garçons, on en pense quoi ? Ouais, bonne idée. Cool. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va être lourd, moi, mais bon, bah, je laisse la chance au produit. En même temps, après, s'être fait envoyer valser par France 3, c'est un peu logique qu'ils se mettent à la danse, non ? Ah ouais ! Allez-vous ! Je vais la tuer. Je vais la tuer. Enfin, un moment où l'on peut dire ce qu'on pense. C'est l'heure de bitcher dans le Night Show. Anso, c'est van, c'est pas possible. Eh ben, si vous voulez bitcher sur mes vannes, appelez-nous 01 42 48 5000. Oui, c'est le principe, on se lâche, c'est le moment où on fait les langues de vipère comme ça. Donc n'hésitez pas, ça peut être sur une personnalité, une émission télé, un concept, n'importe quoi. Vous êtes les bienvenus à l'antenne, il n'y a pas de censure. Et j'aimerais qu'on commence par l'équipe. Anso, sur qui ou sur quoi veux-tu bitcher ? Alors, on en a parlé hier, mais comme elle s'est exprimée aujourd'hui, je voulais en parler avec vous ce soir. C'est Afida Turner qui, sur une des chaînes de la TNT, a montré son sexe. Assise, elle nous a fait une Basic Instinct dans Sharon Stone, pour ceux qui connaissent et qui ne sont pas... qui ont mon âge, quoi. Horrible. Donc, du coup, elle a dit que si elle l'avait fait exprès, elle se serait épilée déjà, donc je trouve ça honteux de dire ça. Et puis surtout, elle a expliqué que c'était la première fois qu'elle mettait cette robe, qu'il y a eu un petit souci parce que la robe et la doublure devaient coller au bas. Et que du coup, c'était à cause de ça que l'adhésif de la doublure n'avait pas collé. Donc forcément, ça avait montré son sexe. Mytho, mais surtout, elle a dit genre, ça arrive à tout le monde d'oublier une culotte. Non, non. Jamais de ma vie, j'ai oublié une culotte. Et surtout, elle dit, la prochaine fois, je mettrai des sous-vêtements. Mais meuf, la prochaine fois, personne ne te réinvitera, en fait. C'est ça. Moi, parce qu'elle est débile. J'ai aucun respect pour ce genre de meuf. Moi non plus. Bah déjà, elle a pas de respect pour elle-même. Pour faire ça, c'est chaud quand même. Mais comment elle a même pu se trouver un mec? Enfin, tu vois, moi, je suis sympa. Je montre pas mon chouchou à tout va. Mon chouchou. Non, mais pense-y peut-être. Elle, pour le coup, j'ai aucun respect pour elle. Elle pouvait même la ramener ici dans le Night Show en invité. Je lui dirais en face à face, meuf, j'ai aucun respect. Non, et je te confirme qu'elle ne sera jamais invitée dans cette émission. Hein. Moi, vivante, non. Attendez, après, c'est un personnage aussi qui s'assume entièrement et qui fait rire et qui fait parler d'elle. Alors, moi, elle me fait pas rire. Elle me fait pas rire. Bon, moi non plus, pas trop, mais voilà. Mais surtout, tu dis, ok, tu peux oublier une culotte à la limite. Mais je sais pas, tu vas faire un plateau télé, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans les médias. C'est pas le jour où t'oublies ta culotte. Non, mais déjà, et puis surtout à la limite, tu veux montrer ton sexe, essaye de le faire avec élégance et grâce, parce que là, c'était vraiment horrible. Et épile-toi, ouais. Voilà, c'est ça. Oh, ça, à la limite, c'est son kiff. Ouais, non, je suis désolée, enfin, je sais pas, c'est la télé, quoi. Oui, mais bon, c'est pas parce que tu fais de la télé que tu dois tout raser. Hein. Ouais, mais je sais pas, c'est encore plus choquant parce qu'on voyait encore plus, il y avait des nuances. Elle est brune et tout, donc on voit bien, mais elle a tout raté. Ouais, et du coup, ça a même pas fait tant de buzz que ça. Enfin, l'émission n'a pas pu se marcher, enfin, tu vois, ça ne servait à rien, quoi. Tu vois, ça me saoule qu'on invite des gens comme ça. Quel exemple on donne? Ouais, c'est vrai, la jeunesse. La jeunesse. Eh ben écoute, le coup de gueule est passé, je suis d'accord avec ton bitch. Merci Marion. Tu veux bitcher sur quoi, toi, Bull? Moi, c'est pas sur quelqu'un, c'est sur l'iOS 10. Ah oui. Alors, franchement, pour ceux qui ont iPhone, ils vont me comprendre, j'ai vachement du mal à m'y faire. C'est la nouvelle mise à jour iPhone. Je sais pas, j'y arrive pas, je vois pas l'intérêt. Effectivement, on peut mettre des petits smileys à des messages. Ça ne sert à rien. Je vois pas pourquoi je mettrais des points d'exclamation ou des cœurs à un message qu'on m'envoie. Bah si, parce qu'en fait, ça te permet de... Avoue, hier soir, après l'émission avec Marion, on s'envoie tout le temps plein de textos avant de dormir. Et hier, tu l'as fait. Oui, pour tester, mais honnêtement, je l'ai fait une fois, je le referai jamais. Oui, mais ça permet de gagner du temps. Par exemple, ton mec t'envoie « je t'aime ». Ouais. Tu mets un cœur. Hop, c'est comme si t'avais répondu. Non, parce que nous, chiantes comme on est, nous, on se dirait, mec, tu nous mets pas un état d'âme sur notre message, nous réponds que je t'aime. Ah, vous voulez le dessin maintenant. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais même pour déverrouiller et tout, je trouve ça plus compliqué qu'avant. Oui. Et puis je sais pas, je trouve que voilà, quitte à faire une mise à jour, t'apporte de vrais trucs. Mais non. Là, c'est que des détails qui servent à rien. Mais non, Marion, c'est juste que t'as été habitué pendant 3 ans à une interface iOS et oui. Que du coup là bah il y a pas trop de différence ça à venir. Change mais si quand c'est même des détails, il y a plein de nouveautés. Mais tu sais, c'est comme quand Facebook, et je pense qu'on est tous d'accord, quand il y a une mise à jour Facebook et que notre page change, la disposition change, on est complètement perdu, puis en fait on s'y fait au bout d'un mois ou deux. Mais quoi. Oui, tu verras dans iOS 11, tu vas dire oh putain, je suis deck, j'ai kiffé 10. Ben ouais. Je vous dirai, voilà, j'espère qu'on sera encore là. Moi j'aime bien le fait de pouvoir dessiner, d'envoyer des petits trucs et tout, ça c'est sympa. Ouais. Bon, j'en envoie qu'à Yannick au standard. parce que comme je l'ai pas encore en main, je fais que des tests avec lui. Pour le coup, Yannick Standard, il est fan de cette mise à jour. Ah ouais, non, moi j'adore vraiment, parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que cette mise à jour, elle est surtout efficace pour l'iPhone 7. Donc on va voir quand l'iPhone 7 va sortir, ça va être vraiment un truc de ouf. Ok, le geek. Non mais il a raison, et en plus je trouve que du coup bah mon iPhone il rame, et c'est un 6S que j'ai, et je trouve qu'il rame. Et bah ça c'est pas abusé, c'est pas fait exprès pour que t'achètes le 7. Bah oui. Et bah merci Apple, c'est pas sympa de nous ruiner comme ça. J'ai acheté un Android moi. Bon, et bah moi je râle contre Apple, et puis voilà, c'est mon coup de gueule. Appelez-nous si vous en avez un, c'est tout. Et bah il y a Thomas justement qui nous a appelé. Bonsoir Thomas. Salut Marion, salut Enzo. Ça va Thomas? Ça va, très bien, ouais. Bienvenue à toi, sur quoi tu veux bitcher? Alors moi je veux bitcher sur la guerre qui commence à naître entre le quotidien et Touche pas à mon poste. Ah, je suis d'accord. Aye. Ah, je suis d'accord, mais ça m'excite un peu. C'est vrai que ça fait un moment qu'il y a une émission qui est installée, qui est Touche pas à mon poste le soir en access. Et il y a donc Quotidien qui est arrivé sur TMC à la même heure. Et alors sur les réseaux sociaux, si vous avez Twitter, c'est un truc de ouf tous les matins. C'est la guerre des audiences, mais même pas par les intéressés, par les gens. Tout le monde les compare. C'est pas vraiment la même heure. Oui, mais bon, on appelle ça l'accès, c'est au même moment à peu près, tu vois. Ouais. Et du coup, voilà, c'est un peu la guerre entre les deux. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas? Je pense que la cohabitation est possible entre les deux. On peut très bien aimer le style d'un ou le style de l'autre. Et puis, si on en préfère un, on en regarde un et puis on regarde l'autre en replay, quoi. C'est pas un drame non plus, quoi. Thomas. C'est gens comme ça qui font des guerres d'audience. Tu te dis, mais c'est ça votre problème dans la vie, les gars? Non, c'est qui pas sera ça premier? Franchement, c'est pas ça leur problème, mais c'est juste qu'ils mettent tellement d'énergie dans leur émission et c'est leur vie, donc forcément ça les intéresse. D'accord, mais tu peux être deuxième le mardi et alors tu vas pas crever le lendemain, ouais, je suis désolée. Ouais, mais qui dit deuxième dit moins d'argent. Ouais, bah d'accord, bah c'est pas si grave que ça. Non, et honnêtement, je trouve que faire sentir ça au public, c'est pas bien. En tout cas, si je puis me permettre, j'adore Quotidien. Et il y a un chroniqueur qui s'appelle Vincent Dedienne dedans qui est très très très très drôle. Oui, il est très drôle et Yann Barthès est très drôle aussi. Et franchement, c'est une émission de ouf. Tout à l'heure, ils avaient Black M, c'était stylé. Mais TPMP aussi, c'est stylé, mais c'est un autre style en fait. Ouais, oh, nous aussi, on a eu Black M et avant eux, les gars. Ouais, c'est vrai, on était les proms. Ouais, par contre, il a pas chanté ici. Si, il a fait un live. Il a pas chanté la Marseillaise. Il a pas fait la Marseillaise. Ouais, mais il a chanté mieux, quand même. C'était frais, quoi. Thomas, on est d'accord et on entend ton coup de gueule qui est, ma foi, somme toute pacifiste. Oui, c'est ça. Paix dans les cœurs. On t'embrasse. Bisous Thomas. Bonne soirée. Bisous les garçons dans l'équipe. Qui veut bitcher? Levez la main. Moi, ouais, je veux bitcher. Vas-y Amir. Bah alors moi, je trouve que les gens, j'en fais pas une généralité, hein, mais ils sont moins polis qu'avant. C'est-à-dire que sur la route, en scooter. Pourquoi vous rigolez? Non, je savais que ça allait être un truc pourri. Bah, vas-y, vas-y. Non, je trouve pas que c'est alors, poli. Alors, les gars, moi, je voulais bitcher sur les endives. Non, je voulais pas bitcher. Les gens qui mangent les endives. Alors, vas-y, bichon, la politesse au volant, on en parle. Alors moi par exemple, quand je suis sur mon scooter et que les gens passent, eh ben je leur dis merci maintenant. Alors j'apprends vraiment à être courtois et j'ai envie d'être gentil avec tout le monde. Et du coup, quand il y a des automobilistes ou des mecs en scooter qui me disent merci, eh ben je suis hyper content. Mais alors je suis assez d'accord avec toi, parce que moi quand je conduis, je conduis pas de deux roues mais en voiture, et que je laisse passer un motard, il me fait un signe de jambe. Oui. Et alors quand il me fait pas mon signe de jambe, je suis dégoûtée. Oui, mais faut savoir que les motards, la plupart du temps, ils le font tous. Les scooters le font pas parce que c'est pas la même mentalité. Non. Mais les motards le font quasiment. À 99,9%, ils le font quasiment. Et j'adore, moi, je trouve ça hyper sexy, ce mouvement de jambes comme ça sur la route, au risque de leur vie. Si les automobilistes pouvaient être aussi courtois que les motards, ce serait vraiment cool. Et même les piétons, hein, parfois, moi, je les laisse passer. Et il y en a qui me disent merci. Et des fois, il y en a qui te regardent même pas, limite, ils me font un doigt. Eh bien, soyez polis pour faire plaisir à Amir et Enzo. Faites des coups de jambes. Oui, c'est hyper faites important. Des coucous. Soyons bisounours sur la route, les amis. C'est important. Mais Amir a besoin de ça. Je trouve que ça, le bonheur commence par ça. C'est bien, Bichon. On t'a entendu. Il y a Céline aussi qui voulait bitcher avec nous ce soir. Bonsoir, Céline. Bonsoir, les filles. Salut, l'équipe. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Yes. Allez, on t'écoute pour ton bitch. Alors moi, je voulais bitcher contre toutes ces pubs qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres. J'en peux plus. Oui. En fait, j'ai mis une petite étiquette comme quoi je voulais plus de pub. Mais ça ne marche pas. Eh ben non, ça marche pas. Je suis dégoûtée. Marque pas de spam, des trucs comme ça. Là, je suis d'accord. Mais j'en peux plus. J'ai fait le tri en fait là en début de semaine. Malgré mon étiquette, encore cet après-midi, j'en avais encore tout un paquet quoi. Et en plus, elles sont distribuées par une zézette. C'est toujours la même fille qui passe. Ouais, mais la pauvre. Elle est... En fait, la pauvre, c'est simple, c'est son job quoi. Elle est payée comme ça. Et si elle dépose pas dans ta boîte aux lettres, eh ben elle va se faire engueuler. Mais qui a inventé ces adhésifs que tu mets sur ta boîte aux lettres stop pub avec la petite main là, alors que ça sert à rien. Exactement. Aucun intérêt. Bon, après c'est pas grave, si c'est le seul problème dans ta vie, le courrier, les pubs. Oui. Ça devrait passer. Non mais c'est relou quand on a beaucoup et que tu dois, du coup, puis en plus t'es tenté quand même de regarder, voir s'il y a pas une bonne affaire quelque part, et puis ben en fait même si tu veux pas les regarder, tu regardes quand même et puis tu finis toujours par acheter un truc. Trop mignonne. Eh ben écoute, on t'a entendu ma belle, on t'embrasse. Bisous les filles. Te laisse pas faire. Hein. Bisous Céline. Thibaut à l'arrêt, est-ce que tu as envie de bitcher? Ouais. Contre lui. Calvin? Ouais. Pourquoi? Calvin Harris, bah il était avec Taylor Swift, elle est trop mignonne. Ouais. Mais j'adore le gars. Donc il se tape une meuf, elle est mignonne. Et il paraît que maintenant il sortirait avec Jennifer Lopez. J'ai vu la rumeur. Ah bon? Ouais. Mais j'y crois pas à ça. Non, et puis attendez les gars, Taylor Swift c'est pas la dernière non plus. Hein. Tu veux que je te fasse son palmarès aussi à Taylor? Oui, mais non, mais il les faut toutes quoi, elles ont un peu merde. Mais tu touches pas à Calvin Harris. Donne tes sources Thibaut. Public. Non, c'est Melty. J'ai vu ça dans Melty et dans Public. Ah bon? Ouais. Eh ben, Melty, rendez-nous des comptes. On veut être sûr que c'est vrai. Non, mais Jennifer Lopez et Calvin Harris, ça m'étonne beaucoup. Mais bon, je ne sais pas, on verra. En tout cas, il est tellement beau gosse que tout est possible. Elle aime les petits jeunes aussi en même temps. Hein. La Gino, ouais. Restez avec nous en tout cas dans un instant sur Fun Radio. On va parler de quoi? On va parler Fion. Oui. Elle est remontée. Hein. On parle de Fion là juste après Nils Van Sant sur Fun Radio. Il est sympa lui. On est ensemble jusqu'à minuit là, ça arrive vite. On va parler cul dans un instant, mais avant ça, le standard est pas content. Ouais. Les garçons sont remontés, ils voulaient bitcher eux aussi. Qu'est-ce qui se passe, Enzo? Yannick, on vous écoute. Bah oui, Yannick commence. Eh ben au McDo, quand tu prends un menu maxi qui te donne une sauce potatoes et que t'es obligé de payer 25 centimes pour la deuxième. Non, mais bah ouais. C'est une honte. J'avoue, ça c'est pas possible. Et c'est comme quand tu vas au Quick et que tu vas au Drive, t'as pas le temps de vérifier si t'as tout dans ton sac, ils t'enlèvent ton putain de burger. Enzo, qui est cette émission? Elle s'en va vraiment quoi. D'accord, merci. Je suis d'accord avec vous les garçons. Elle est partie la meuf. C'est une honte. Nous faire payer les sauces, ça ne devrait pas exister. C'est vrai. Vous avez raison. À mort le McDo. Mais on merci est quand même. Allez, bougez pas les copains. 01 42 48 5000. On parle des pratiques sexuelles les plus cheloues et les plus choquantes dans le monde dans un instant. Ça vous va ou pas? Ouais. Alors restez là. You guys ready? Fun Radio. Yeah.

Are you ready? Go. Là, tout de suite dans le Night Show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The Night Show. Sur Fun Radio. Et je vous ai trouvé les pratiques sexuelles les plus choquantes du monde. Toutes celles qui existent, je vais vous les faire là tout de suite. Et vous appelez-nous pour nous dire, tiens, la pratique qui vous repousse sexuellement. Ouais. Le truc que vous ne ferez jamais, quoi qu'il arrive dans votre vie, vous ne pouvez pas. 01 42 48 5000. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, âme sensible, s'abstenir. Vous allez voir, c'est vraiment horrible. Hein. Dans une tribu du Niger, en gros, pendant leur enfance, les garçons sont mariés avec leurs cousines. Vraie pratique, et je vous assure, on commence doucement. Oh merde. Non, mais... Ce qui est horrible, c'est que déjà c'est pendant leur enfance, donc ce sont des gamins, et en plus c'est avec leur cousine quoi. Bon, après on va pas se mentir, on a déjà eu des auditeurs qui sont tombés amoureux de leur cousin, de leur cousine, non? C'est vrai, mais là c'est des enfants, et puis c'est forcé, enfin bref, voilà, ça existe, c'est comme ça. Dans l'Égypte ancienne des pharaons, alors là c'est hyper chelou, ils pratiquaient la masturbation en public. Ah ouais, bah remarque, c'est le partage. Bah comme un spectacle, ils se masturbaient devant les autres, et c'était comme un partage quoi. Mais tu veux dire que les garçons? Oui, que les garçons. D'accord. Chelou, non? Dans la Grèce antique, l'homosexualité n'avait pas du tout la même connotation qu'actuellement. En gros, les Grecs considéraient les femmes comme uniquement bonnes à se reproduire et ils trouvaient plus de plaisir avec les hommes. C'est-à-dire que pour le plaisir sexuel, c'était les hommes entre eux et les femmes, c'était que pour les enfants. Ah, bon? Ah d'accord. Ouais, c'est chelou. Bah, mais après, il y avait une certaine logique aussi. Grèce antique. En Iran, des mariages temporaires sont possibles. Ça, c'est un truc de ouf, ça existe encore. En gros, si un jeune couple veut avoir des rapports sexuels, il peut faire une demande de mariage temporaire. Il y a une petite cérémonie avec un contrat de mariage qui indique la durée de l'union. Bah, oui, c'est une excuse pour être infidèle, quoi. C'est comme à Las Vegas, en fait, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça, sauf que non. Même... Non. En plus, c'est pas une excuse pour être infidèle, c'est-à-dire que, en gros, je pense qu'à mon avis, le sexe hors mariage doit être condamné. C'est ça. Donc, du coup, tu te maries temporairement, comme ça. Exactement. Pour la religion, la croyance, tout ça, t'es dans le bon, et comme ça, tu pas peux mal. Aller... comme tu veux. T'as raison. Si je vous dis la tribu des Sambians, est-ce que ça vous parle? Non. Non, la tribu de Dana, oui, mais... Non, non. Et bien, ils pratiquent un truc improbable, boire le sperme des anciens du groupe. En gros, les hommes doivent boire le sperme des aînés, ce qui leur apporterait la croissance et la force. Et le vomi aussi, je pense. Ouais, ils le font vraiment, la tribu des Sambians. C'est dégoûte, un truc de malade. Ça, ouais, mais tu vois, chez eux, pour eux, c'est normal. Donc nous, on n'a pas été éduqués comme ça aussi sexuellement, donc c'est pour ça. Bah oui, c'est ça, Amir, ils ont toujours été habitués comme ça. Alors ça, par contre, c'est horrible, je peux pas valider, ça me tue. C'est les Mardou Jara. En gros, se faire couper le pénis pour devenir un homme. Voilà, du coup, il y a une circoncision et les petits doivent avaler leur prépuce une fois qu'il a été coupé. Oh merde ! Ah non ! Si, c'est vrai. Bah après, la circoncision, voilà, ça se pratique beaucoup et ça, c'est hygiénique. Il y en a plein qui le font, plein de religions. Ouais, mais Amir, t'es d'accord, c'est personne logique. Personne ne mange le circoncision, dos. Bien sûr. Mais si, par exemple, à Madagascar, parfois, il y a des gens qui font la circoncision et ensuite, tu prends la peau, tu la manges avec de la banane. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas avec de la banane, c'est pur comme ça. Et pourquoi ? C'est comme c'est ça. Une tradition, c'est une tradition, Anso. Ça me dégoûte un peu. Hein. C'est pour devenir un homme. Les Trobianders. Alors là, c'est les pires. Les Trobianders, en gros, c'est une tribu où les enfants ont leur rapport sexuel à 6 ans. Oh là là, c'est l'horreur. Une pratique acceptée et c'est un rituel ancestral de cette tribu. Pour eux, c'est normal. À 6 ans, tu dois être capable de faire l'amour. Putain. C'est mais terrible. En plus, tu en es absolument incapable. T'as la puberté même pas passée, t'as rien. Ouais, je sais, mais pour eux, si. Donc ça a complètement une autre connotation, quoi. C'est incroyable. Et enfin, la tribu népalaise. Alors là, ça peut plaire à certains. En gros, les frères se partagent la même femme. Voilà, la solution est de trouver une femme pour plusieurs fils d'une même famille pour conserver au maximum la terre et ne pas la diviser. Ah, pas con. Du coup, t'as tout le monde qui vit ensemble et les frères se partagent une même et une unique femme. Ouais, bah t'as intérêt que ton frère ait des meufs plutôt mignonnes, hein. Ouais, c'est ça. Faut choisir la bonne. Mais la pauvre, elle a du taf, quoi. Elle doit s'occuper de tous les frangins. Enzo, toi qui as un frère, ouais. Tu te verrais faire ce genre de dos? Franchement, elle est bien, avec son ancienne meuf, ouais, mais celle-ci, non, pas trop. Oh, oh c'est dur. Ouais, non, mais je suis honnête, hein, il le sait, hein, je lui ai dit. Et tu te verrais prêter ta meuf à ton frère? Ouais, pourquoi pas, s'il en galère. Non, mais détends. C'est terrible. Ouais, voilà. On en rigole, mais il y a quand même des pratiques qui sont hardcore. Hein. Boire le sperme des anciens du groupe. Alors là, les Sambians, si vous nous écoutez, appelez-nous parce que je comprends pas. Ouais, c'est ça. Venez nous raconter quand même. Ouais, sacré tribu. Hein. Du coup, on se demandait quelles pratiques sexuelles vous trouvez vraiment horribles pour vous. Mais les pratiques sexuelles, on va dire normales. Oui, oui, un voilà. Un truc qui vous repousse. Classique. Il y a Florent de Lyon qui nous a appelé. Bonsoir, Flo. C'est toute l'équipe. Salut. Ça va, Flo? Ça va, vous? Bah ouais, très bien. On t'écoute sur la pratique qui te repousse, toi. Alors moi, ce qui me repousse un tout petit peu, quand même, je dirais que ce serait de faire l'amour sous la douche. Oh non, c'est trop bien. Non mais en réalité, je suis désolée, mais faire l'amour sous l'eau, dans un bain, sous la douche, c'est relou. C'est relou. Bah oui. Bah, je suis d'accord, mais c'est pas repoussant non plus. Pourquoi ça te dégoûte ? Bah, ça me dégoûte. Enfin, c'est pas que ça me dégoûte. C'est juste que, voilà, quand on veut être performant, faut se concentrer sur une seule chose. Mmh. Donc, du coup, après, si on a d'autres facteurs qui nous dérangent, et bah, on est moins performant. Oui, Thibaut, à l'arrière. Ouais, moi, j'ai un truc qui marche à tous les coups sous la douche. Justement, pour se concentrer, tu lis ce qu'il y a marqué sur les flacons de douche, genre sur les gels douche, tu lis les recettes et tout. Du coup, tu te concentres à mort sur ça et tu tiens plus longtemps. Mais moi, avec l'eau, c'est pas possible, hein. Moi non plus, bah, c'est, en fait, c'est, l'eau n'est pas du tout un lubrifiant, au contraire. Hein. C'est ça, ça assèche. Ouais. Donc, ouais. On est d'accord, on partage. On est d'accord, Flo, mais bon, une douche à deux, câlin, touchage, c'est toujours très bien. Oui, pourquoi pas. Ah, ça me donne envie, là, d'un coup. Mais calme-toi, Thibaut. On t'embrasse, mon pote. Bisous. Bisous. J'aimerais qu'on se fasse un petit tour de table. Anso, c'est quoi la pratique que tu ne feras jamais ? Ah, que je ferai jamais. Ou en tout cas, non, celle qui te dégoûte un peu. Ah, mais j'aime pas trop la sodomie. Hein. Vous le savez, je le dis souvent. Ouais. Qui se confie trop. Mais j'aime pas trop ça. Toi, Marion, c'est quoi ? Moi, c'est tous les délires scato. Voilà, ça, c'est pas possible. Je peux pas. Alors, je sais qu'il y en a qui le pratiquent. Tant mieux pour eux. Je suis contente pour eux. Mais moi, pipi caca, ça va pas. En même temps, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un peu dégueu. Possible. Ouais. Et même le petit doigt dans la boîte à caca, là. Mais ça me dégoûte. Il y en a qui aiment faire ça. Pour moi, c'est un mikado. Ah, c'est pas possible. Je peux pas. Ouais, à quel moment ? Tu vois ? Et je sais pas, tout ce qui est scato, moi j'ai du mal. Amir, je sais que t'es d'accord avec moi. Ouais, moi tout ce qui est Mais tout le monde bah sodo, le crachat aussi, c'est pas c'est pas mon kiff. Le pipi, tout ça. Ouais, tout ce qui est scato quoi. Ouais, en fait un peu comme vous les filles. Thibaut à l'arrière. Ouais, moi ce qui me dégoûte c'est genre tu sais dans les films de cul, genre quand ils s'attachent, genre ils se fouettent et surtout ils se mettent de l'huile sur le corps, genre c'est dégueu, c'est tout gras. Mais ouais, t'as maté quel genre de film, toi ? C'est 50 nuances de degrés, ça, c'est pas du tout des films de cul. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, ils se mettent de l'huile et... Non, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à se mettre beaucoup d'huile sur le corps. Bah, l'huile, c'est pas très grave. Ouais. Non, mais bon, c'est vrai que ça donne un côté pas très naturel. Non, ouais. Par contre, moi, l'huile, je pense tout de suite à mes draps. Ah oui, voilà. Là, c'est une galère. Mais par contre, faut pas mettre de l'huile d'olive, Amir. Hein. Ah ouais. Tu dis ça parce que je suis arabe, c'est ça ? Non, je dis ça parce que j'ai beaucoup d'humour. Il y a Nina de Marseille qui nous a appelé. Bonsoir, Nina. Salut les filles. Ça va, chérie ? Ça va et vous ? Ouais, très bien, dis-nous quelle pratique te repousse, toi. Alors moi, je ne veux surtout pas qu'on m'éjacule dans la bouche. Ah. Bon. Mmh. Ouais, bah tu sais. Pourquoi ? Non, on sent l'expérience, hein. Non, mais c'est pas un truc... Ça nous dégoûte pas, nous. Non, mais ça me dérange pas. Ah ouais, alors que moi, c'est ouais, la texture, l'odeur, non, je sais pas, je... Non. C'est ça, ton blanc cul, ça, mais pas à ta meuf. Bon, arrête tes conneries. Mais justement, au contraire... Faut arrêter de nous traiter comme des princesses quand vous êtes amoureux de nous et comme des chiennasses quand on est des plantules. Mais c'est pas sale en plus. Je parle pour mais moi, oui. C'est tout. Franchement, je trouve que c'est pas sale, ça passe bien. Moi, je vois pas le problème. Si la nana est d'accord, après, si ça te dégoûte, faut pas se forcer. Hein. Ah exactement. Ouais, non, je dis pas que c'est sale. Hein. Je dis que non, ça me dégoûte. Perso, voilà. Je peux comprendre. Et voilà. D'accord. Et bien, voilà. Nous respectons. Tu n'iras donc jamais dans la tribu où ils boivent tous des grands godets. Non. Mais même pour tout l'heure du monde, je crois que j'irai pas, tu vois, non. Ce sont les sambiants, la tribu, voilà, pour ton d'accord, information. D'accord, donc c'est le truc à éviter, c'est ça, c'est la tribu à éviter quand je pars. Hein. Exactement. Chérie, d'accord. On t'embrasse, merci de nous avoir appelé. Merci, bisous. Bisous, Nina. Bisous. On a Julien de Paris aussi qui est avec nous. Bonsoir, Julien. Bonsoir, les filles. Bonsoir, les beurs. Hello. Ça va, les beurs. Alors, dis-nous, Julien, qu'est-ce qui te dégoûte, toi ? Ah, moi, c'est impossible, en fait, qu'on touche à mon cul. Moi, c'est un trou de sortie, ça reste un trou de sortie, quoi. C'est pas possible. Je veux dire, il n'y a rien qui rentre. C'est juste, ça sort, mais rien qui rentre, quoi. Même la petite phalangette ou... Non, aucun délire comme ça. Hein. Ouais, c'est pas toi, possible. On a bien compris, Julien. D'accord. Et du coup, si jamais une fille, elle a vraiment envie de tenter... Par exemple, tu tombes sur une fille, corps de rêve, ton fantasme absolu, elle te dit « Moi, mon kiff, c'est de mettre un doigt dans les fesses de mon chéri. » Vraiment, là, tu te laisses même pas faire. Ah non, c'est pas possible. D'accord. Ah, même quand j'étais petit, ma mère, elle pouvait pas me mettre un suppôt, donc non, c'est pas possible. En même temps, Julien, on est d'accord que nous, en tant que filles, vous, les garçons, vous vous permettez de temps en temps une petite aventure, un côté aventure et tout. Autant vous, les garçons, c'est quand même assez rare qu'une nana d'elle-même, elle vous mette un doigt dans les fesses. Oh, il y en a. Il y en a. Attends, Thibaut. Si, si. Il y en a qui sont pas farouches, hein, franchement. Il y en a qui, pendant la fellation, aiment bien le faire assis. Moi, j'ai plein de copines qui le font. Ah bon ? Ah oui. Ah si, elles sont aventurières. Justement, moi, j'ai une de mes ex qui m'avait proposé ça, là, pendant une petite gâterie, la petite phalangette. Non, c'était pas possible, ça a tout coupé. Non à la phalangette, on a bien compris. Ouais. On a compris que c'était un point de sortie et pas d'entrée. On a compris. C'est ça. On t'embrasse, Julien, merci de nous avoir appelé. Merci, bisous les filles. Bisous, pépère. Yeah, yeah. Tu vas clôturer cette émission, donc sois fort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te repousse sexuellement ? Bah, Pépère, lui, là, seul truc qui le repousse vraiment, les filles. Hein. Alors, qu'est-ce qui te repousse, Pépère ? Dis-nous. Eh ben, c'est le gosse qui dit « Papa, arrête, j'ai envie de chier !» Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non, ça c'est trop violent, mon pote. Non, attends. Mais heureusement qu'elle sort. Cette vanne de pépère n'est pas cautionnée par l'équipe du Night Show. Non. Ça va pas du tout. Mais la violence. Oh là là. Il m'a achevé. Attends, je crois que c'est le pépère le plus violent de l'histoire des pépères, les gars. Les gars. Pépère, ouais, c'est drôle. Excuse-toi. Ouais, bah excuse-moi. Non, pépère. Pépère. Pardon, les filles. Et la France. Moi, tu m'as fait rire, pépère. Bon, Adrien Thomas est avec nous pour Party Fun. Bonsoir, Adrien. Vous allez bien? J'écoutais ce sujet qui me passionnait. J'étais dans le bureau à côté, c'était... Alors, justement, dis-nous, qu'est-ce qui te repousse, toi, sexuellement? Moi, tout ce qui est délire attaché, pareil. Oh, j'aime bien. Non, ouais, moi, non mais bondage, genre le bondage, t'aimes ça pas le bondage? Ouais, voilà. Le délire striptease, pareil. Ça me gonfle. Ouais, ça me semble. Et pire que tout, je crois que c'est les déguisements. Genre, ah, ouais. Mais, et t'as pas l'air d'un con d'arriver en vampire? Non, mais c'est ça. Ouais, c'est clair. Tellement chiant, tu perds. Hey, Mardi Gras, en février, laisse-moi tranquille. Enfin, tu vois, je veux dire. T'as raison, Adrien, on est avec toi. Et là, tu dis ça, Mardi Gras, c'est en février, qu'est-ce qu'il y a, punchline? Alors, est-ce que tu connaissais cette tribu des Sambians, toi? Des Sambians? Ouais, c'est une tribu où, en gros, le principe, c'est de boire le sperme des anciens du groupe pour devenir un homme. Ah oui, mais ça, j'ai déjà fait avec des potes. Oh c'est terrible. Ah non, arrête. Oh. Dégueulasse. Ah, Mire, arrête, tu te rappelles bien. En tout cas, Adrien va vous accompagner jusqu'à 1h du mat pour Party Fun. Nous, on se retrouvera en direct dimanche soir à partir de 22h. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette émission, l'équipe Marion? Moi, j'ai retenu que Yannick du Standard, par exemple, préférerait sentir des pieds toute sa vie plutôt que sentir de la bouche. Je ne comprends pas. Ah ouais, ça, moi non plus, je comprends pas. Mais bon, c'est un délire. Enzo du Standard, t'as retenu quoi, toi? Ouais, j'ai retenu que Amir, son ancienne meuf, était une grosse mytho. Une connasse, sortie. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Thibaut à l'aria, t'as retenu quoi, toi? Moi, j'ai retenu que, bah, du coup, Adrien, là, il a fait des trucs chelous avec Amir et ça m'a vraiment choqué, ouais, tu vois. C'est vrai. Je suis pas bien là. Vous me dégoûtez, les gars. T'étais là aussi, arrête. Horrible. Moment très gênant. Bon, on se retrouvera en direct dimanche soir à partir de 22h et ratez pas cette semaine prochaine remplie d'invités, ça va être une semaine canon. Ah toutes oui. Nos vidéos à retrouver sur notre chaîne YouTube, bien sûr, Marion et Anso. Vous serez réveillés par Bruno dans la radio demain matin à 6h. Et puis nous, on se quitte un chanson, hein. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Papa et Maya. To the biggest club in France. Bonsoir et bienvenue sur Fun Radio. Salut. On est en direct jusqu'à 1h comme tous les soirs pendant 1h des nouveautés. Et ce soir, je suis très content parce que j'ai récupéré un petit remix que Cashmere vient de sortir de son nouveau morceau Invisible Children, voilà, qui est là offert à tous ses fans. Il y aura aussi Feder Lordly, qui est vachement bien comme morceau, Mike Perry avec The Ocean aussi, tout ça avant 1h du mat. Et puis on attaque avec une version assez inédite de Jonas Blue. Le remix est signé Dennis First. Voici Perfect Strangers. Bisous. Bisous à demain. Like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Baby, what? We'll be right back.

Fun. Party Fun. Avec Adrien Thomas sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Supersonic sound, make that beat go pow. Supersonic sound, make that beat go Supersonic sound, make that beat go pow. Supersonic sound, make that beat go, that beat go, that beat go, that beat go, that beat go, that beat go, that beat go. Profitez bien, Party Fun, c'est Adrien Thomas jusqu'à 1h du matin. Dites-moi ce que vous faites comme tous les soirs. On tape la discute. Si vous avez Snapchat, mon pseudo, vous m'ajoutez, c'est Adrien Thomas, T-O-M-A. J'aime bien discuter avec vous, voir un petit peu ce que vous faites en écoutant l'émission. Allez-y, ajoutez-moi avant 1h du mat. Adrien Thomas, T-O-M-A, c'est hyper simple. Alors, je vous le disais tout à l'heure, j'ai trouvé un remix de Kashmir Invisible Children. C'est le Kashmir Remix, c'est-à-dire qu'il a remixé son propre titre qui est sorti donc la semaine dernière sur le plus gros label dance au monde, Spinning Records. On va se l'écouter tout de suite. Et si vous voulez choisir un son avec moi, appelez-moi 32 28 ou alors sur Snapchat, vous me laissez votre numéro de téléphone. C'est ça, Party Fun le soir entre minuit et 1h. We'll be right back.